Bonsoir, bienvenue dans Grand Prix. Merci à tous et toutes d'être ici. On se retrouve pour un débriefing du Grand Prix du Japon qui a eu lieu ce week-end à Suzuka en horaire matinaux. Donc je ne sais pas si tout le monde l'aura vu en direct, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez vu la course quand même. On va revenir pendant une petite heure et demie sur les performances des équipes, les résultats du Grand Prix. Évidemment, on fera quelques petites news aussi sur les transferts et puis ce qui s'est passé un petit peu hors piste, puisqu'il y a eu pas mal de choses. On est en comité réduit ce soir, mais ça n'empêche pas d'aller chercher un petit peu toutes les informations quand même. Et donc avec moi pour parler de ce Grand Prix du Japon, on accueille Franck. Salut tout le monde, bonne soirée, bonjour, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce live ou ce replay. Voilà, écoutez, ravi effectivement d'évoquer ce Grand Prix du Japon avec vous. Surprise, pas vraiment sur le résultat, mais bon, quand même des choses très très intéressantes en termes de performance des différentes équipes dont on va débriefer. Et puis évidemment, si vous avez suivi l'actualité pendant le week-end et ces dernières heures, il y a des choses peut-être assez prometteuses qui peuvent déjà nous retitiller un petit peu pour 2025, mais on vous en parlera assez vite dans l'émission. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des petites rumeurs, alors que bon, des gens n'arrivent pas à croire, que d'autres veulent croire, que nous on aimerait bien voir se réaliser, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait pas mal de changements l'an prochain, même si de toute façon il y en aura. Mais effectivement, on va commencer, on va pouvoir rentrer rapidement dans le vif du sujet. Merci à tous ceux qui sont, toutes celles qui sont là et qui nous ont dit bonsoir dans le chat, et puis à ceux qui ne parlent pas aussi dans le chat. On va commencer rapidement, je pense, à revenir sur ce week-end du Grand Prix du Japon, donc qui a été gagné par Max Verstappen, devant. Oh. La semaine dernière, on était content, on disait ah, c'est bon, ça change un petit peu. Non. Bah, ça va être déjà 50% de victoire pour lui sur cette chaîne. Voilà, c'est ça. Il augmente de semaine en semaine. Devant Sergio Perez, donc on est également sur 50% de doublé Red Bull. Mais Ferrari a quand même fait un bon résultat puisqu'ils étaient 3e et 4e avec Carlos Sainz et Charles Leclerc. Et Lando Norris 5e. On reviendra après sur le reste des résultats. On va évidemment commencer donc par Red Bull puisque c'est l'équipe qui a dominé le week-end après un Grand Prix d'Australie qui avait été un peu plus compliqué pour eux avec un abandon et une 5e place. Cette fois, ils n'ont pas trébuché. Ils sont allés directement. Ils sont allés directement dans le vif du sujet avec Max Verstappen qui a été très rapide dès les EL1. Les EL2 un peu plus compliqué puisqu'il y avait de la pluie. Mais on les a vus tout de suite se remettre dans le bain le lendemain et surtout faire la pole et gagner la course. Alors c'est vrai qu'on a vu une RB20 qui était de retour au plus haut niveau. Pas de problème de rythme de course par rapport à la semaine d'avant. Franck, toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette performance? Est-ce que déjà entre la performance de Verstappen, celle de Red Bull globalement, l'écart entre les deux pilotes de l'équipe? Assez surpris par le niveau de Perez, notamment en qualification, très, très proche de Verstappen. Donc ça, je tiens à le saluer aussi parce que c'est assez rare, surtout qu'en plus, il a même fait l'objet de paris sur le fait qu'il serait peut-être pas forcément sur la première ligne. Donc paris qu'il a gagné face à son patron Christian Horner. Donc voilà, bravo à lui. C'est parce que quand même Suzuka c'est pas évident. En plus on sait qu'il n'était pas trop à l'aise sur ce circuit là. Bon, après Verstappen, Red Bull, voilà, c'est un combo qu'on savait prometteur, voire gagnant avant même la course. Ils ont confirmé. Maintenant je tiens à signaler quand même que les écarts étaient quand même beaucoup beaucoup plus réduits que ce qu'on a vu l'année dernière. Donc c'est un peu sur la tendance qu'on avait vu sur le début de saison, c'est qu'effectivement il y a un gros resserrement comme de la performance entre les meilleures équipes, notamment entre Red Bull et Ferrari. Donc c'est vraiment une confirmation que Red Bull n'a plus une marge aussi importante que l'an dernier, donc c'est prometteur. Voilà, on a vu une victoire de Carlos Sainz en Australie. Je peux vous assurer qu'on verra d'autres victoires Ferrari et peut-être McLaren avec un peu de chance dans le courant de la saison, quoi. Donc, mais moi, ce que je retiens effectivement, c'est que sur un circuit quand même qui ne pardonne pas du tout sur le côté technique et le pilotage. Red Bull reste devant, mais reste une domination parce qu'on parle d'un doublé quand même. Il n'a plus la même domination en termes d'écart sur le reste de la concurrence. Donc, bravo à Red Bull. Enfin, encore une fois, ils ont maîtrisé le sujet. Surtout qu'ils ont même plus amené quelques évolutions sur la voiture qui ont fonctionné comme elle devrait le faire, donc surtout centré sur le refroidissement moteur, parce qu'on a vu effectivement des aérations supplémentaires arriver sur le côté du cockpit, donc des choses qui étaient déjà prévues en fait à la base mais qui sont arrivées à ce moment-là. Voilà, donc rien qui change fondamentalement la performance de la voiture, mais voilà, donc Red Bull ne reste pas les bras croisés avec les malgré le peu de ressources en temps voilà, de développement aérodynamique. Donc ça bouge quand même. Mais derrière, voilà, ça se resserre. Et, c'est au côté piste, rien à redire hein, du côté de Red Bull. Hein, je pense que la stratégie, les réglages, tout cela était bon. Ils ont réussi effectivement à mettre la voiture dans la bonne fenêtre, même s'il y a eu quelques inquiétudes après la première journée concernant le rythme de course. Mais ça a été parce que voilà, Helmut Marko s'inquiétait un peu du rythme des Ferrari. Au final, la Red Bull a réussi à reprendre un peu plus la main le samedi sur les réglages. Allez, pour égayer un petit peu pour dire que tout n'est pas rose, il y a eu quand même une petite bataille sur le réglage de l'aileron avant entre Jean-Pierre Lambiasé et Max Verstappen. Voilà, donc Max avait tort pour une fois, Jean-Pierre avait raison. Donc voilà, Max Verstappen a dû corriger par deux fois son réglage de l'aileron avant pendant la course, histoire d'avoir enfin l'équilibre qu'il aurait dû avoir dès le départ s'il avait écouté son ingénieur de course. Voilà, donc. Ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu plus compliqué s'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge pour lui. Bon, après, on se doute bien quand même qu'il en avait sous le pied, parce qu'on voit que quand il refait les meilleurs tours en course, il ne fait pas semblant. Mais ouais, c'est vrai que c'était assez étonnant de voir, par rapport à l'an dernier, où Suzuka avait été le circuit sur lequel Verstappen et sa voiture avaient été vraiment intouchables, on voit que les écarts sont plus serrés. Dans le chat, c'est Laurentin, je crois, qui disait ça faisait un an que Pérez n'avait pas été au niveau. Ça semble violent, mais il est vrai que ça fait depuis Miami 2023 que Pérez ne s'était pas qualifié en première ligne. Il était parti une fois en première ligne à Spa grâce à une pénalité de vent, mais pour Verstappen d'ailleurs, je crois. Mais la dernière fois qu'il s'est qualifié dans les deux premiers, c'était Miami 2023, donc ça fait quasiment un an. Après, on vous laisse juger de savoir si c'est normal de ne pas faire de première ligne avec une Red Bull pendant un an. Mais en tout cas, il est au niveau. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est essentiel pour Red Bull parce qu'eux, ils sont un peu dans l'expectative par rapport à ce qui se passera l'an prochain aussi au niveau des baquets. Et puis, ils ont quand même besoin d'engranger des points, surtout après la déception de Melbourne. Mais c'est vrai que bon, on a vu la sérénité revenir. On a vu Verstappen qui n'est pas forcément toujours à l'aise avec sa voiture, mais c'est au final, il y a même quand il a des problèmes, il n'en a pas vraiment et ça fonctionne bien, quoi. Donc c'est toujours un peu le souci pour la concurrence. Mais voilà, après, les évolutions, elles étaient minimes pour l'instant. Hein. On parle de quelques petits changements de carrosserie, d'entrée d'air et tout ça pour améliorer le flux, réduire la traînée et tout. Mais c'est vrai que ça ne permet pas à Red Bull, comme certaines fois, notamment l'an dernier, de reprendre l'avantage. Là, on voit que Ferrari n'est pas très loin. Donc c'est plutôt rassurant. Je sais pas si t'as encore quelque chose à dire sur le sportif lui-même, parce que c'est vrai que chez Red Bull, on n'a pas grand-chose à dire au final. Je vais faire du coup la transition. Après, justement, pour les évolutions, on parlait d'une sorte de zéro ponton pour Red Bull, finalement, on était loin. Ça reste effectivement ce qu'on a vu, le concept Red Bull en termes de forme de ponton pour effectivement générer de l'appui avec le downwash. Mais par contre, on a effectivement tout le côté refroidissement qui est vraiment resserré vers le centre de la monoplace, lui, il s'est vraiment exploité au maximum. Donc ça, c'est vraiment une des clés pour la traînée aérodynamique de la voiture. C'est ce qui permet effectivement à la Red Bull d'aller très vite en vitesse de pointe sans trop sacrifier l'appui aérodynamique en délestant les ailerons, parce que voilà, il faut réussir à faire le meilleur des deux mondes. Donc pour l'instant, ça reste la référence à ce niveau-là. Et donc pour faire la transition, effectivement, on a un Pérez qui, du coup, je pense, a réussi effectivement, comme tu dis, à revenir en première ligne. Et du coup, à dire que effectivement, cette Red Bull, même sans un Max Verstappen, elle peut gagner. Et si je dis Red Bull sans Max Verstappen, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, il y a quand même une vraie lutte de pouvoir au sein de Red Bull, enfin au sein du groupe Red Bull, entre les factions autrichiennes et thaïlandaises. Et voilà, il se dit de manière assez prononcée, assez fortement depuis ce week-end à Suzuka. On voulait sortir l'info ce week-end, mais on a attendu effectivement peut-être de creuser un peu plus et de voir que ça se confirmait un peu et que effectivement Max Verstappen aurait. Je garde le conditionnel, même si certains l'affirment déjà haut et fort comme quoi ce serait fait, à une sorte de pré-accord avec Mercedes. au cas où s'il doit quitter l'équipe, enfin si Helmut Marko doit quitter l'équipe et si lui décide de le faire aussi, il puisse avoir effectivement un baquet auquel se raccrocher, et ce dès 2025. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi 2025 alors qu'en 2025 il serait assuré du titre mondial avec la voiture qu'il a actuellement. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Maintenant, s'il faut préparer le défi 2026, si l'environnement dans lequel il évolue chez Red Bull ne lui convient plus, faire la transition un an avant, ça a du sens aussi. C'est étonnant, c'est clair. Alors c'est un peu plus étonnant maintenant parce que tout le monde dit ouais, mais ça s'est apaisé, on n'en parle plus, il y a plus de. En fait, la lutte de pouvoir existe toujours, mais sauf qu'elle est. Il y a eu vraiment un mot d'ordre qui a été en public. C'est calme, on dit plus grand chose, même si Helmut Marko laisse toujours quelques informations traînées par-ci. Il n'est jamais dans les démentis très fermes, il n'est jamais dans la confirmation non plus. Il y a toujours des petites choses voilà, qui traînent à gauche droite, qui nous laissent croire que ce n'est pas réglé. Il le fait bien croire aussi. Ouais. Voilà, donc, d'ailleurs, même le concernant, il y a même certains qui disent que c'était sa dernière course, puisqu'il n'est pas apparu sur la photo finale du doublé. Parce que moi, il faut toujours les petites photos de la Fiesta, surtout quand il y a un doublé. Helmut Marko ne rate jamais cette photo et cette fois-ci, il n'était pas là. Ouais. Donc voilà, certains se disent, voilà, est-ce que c'est le premier signe comme quoi ça pourrait bouger d'ici le prochain Grand Prix. Donc c'est à surveiller. Voilà, moi, je te laisse Manu un petit peu aussi réagir là-dessus, mais il y a encore des choses à dire. Hein, sur ah bah complètement. Non, ça me fait rire ce que tu dis, le terme faction, mais c'est exactement ça, parce qu'il y a vraiment une lutte de pouvoir entre deux groupes qui ont de la puissance dans le groupe, justement. Et effectivement, les Autrichiens ont un peu perdu la main depuis quelques semaines et on voit que ça impacte énormément. En fait, la détermination est telle dans le groupe Red Bull de laisser Horner au pouvoir et de faire ce qu'il faut que Red Bull Racing est un peu oublié dans l'équation, et au point que ouais, le départ de Verstappen ne serait pas un problème pour les dirigeants et notamment l'actionnaire majoritaire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais en même temps, il faut comprendre aussi que Verstappen, déjà, n'est pas un pilote qui souhaite absolument faire une dynastie en Formule 1, c'est-à-dire que lui, il a toujours dit, moi, mon objectif, c'est un titre. Une fois que j'ai fait un titre, le reste, c'est que du bonus. Alors bon, c'est vrai que ça paraissait un peu... tout le monde n'y croyait pas trop, mais au final, il a toujours dit qu'il n'était pas là pour empiler les titres. Et peut-être qu'effectivement, s'il n'est pas là pour empiler les titres, il serait plus volontaire d'aller chercher un nouveau défi, quitte à ce que ce soit plus compliqué... pour retrouver un peu la motivation, parce que je pense que pour un pilote comme lui qui a déjà pas prévu de faire une très longue carrière en Formule 1, le fait de se retrouver à dominer sans trop de défis en interne, sans trop de défis des autres équipes, je pense que c'est pas ce qui lui permettra d'aller en 2028, jusqu'en 2028 sans se remettre en question. Donc ça me paraît un petit peu compliqué pour Verstappen et de rester comme ça chez Red Bull en statu quo. Et surtout, la grosse interrogation dans cette équation, c'est 2026, puisque il faut bien comprendre que Red Bull Ford, en termes de motorisation, ça risque d'être un peu compliqué. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais c'est vrai que c'est un motoriste totalement nouveau qui fait le moteur thermique. C'est un motoriste qui revient avec des moyens pas forcément... aussi important que ses rivaux et pas forcément aussi important que et pas forcément autant d'expérience sur l'hybride, donc Ford qui va faire la partie électrique. Et il y a quelques rumeurs comme quoi ça avancerait pas aussi vite qu'il le souhaite, et si c'est le cas, évidemment Verstappen est au courant, et si c'est le cas, Verstappen ne peut pas, enfin va devoir partir ou va vouloir partir et ne peut pas attendre fin 2025, parce que 2025 tout risque d'être rebouché pour un an ou deux dans les top teams, et peut-être que effectivement le plus simple pour lui c'est d'anticiper le départ, quitte à sacrifier une année, pour être sûr d'avoir la place et le choix. Parce que là, actuellement, alors même s'il n'y a plus de place chez Ferrari, mais il y a des places chez Mercedes, il y a des places chez Aston Martin encore. Et au final, ça fait deux équipes qui sont à peu près dans au même niveau, pas dans la même dynamique, mais bon, après, c'est pas non plus ce qui l'inquiète le plus, je pense. Et au final, c'est pour ça que c'est le moment, peut-être, pour lui, en fait, de se dire on y va et on change d'équipe. Donc, ça paraît absolument farfelu actuellement, parce qu'il vient de gagner plus de 35 courses en deux ans avec la même équipe, mais Verstappen n'est pas un chasseur de records, il l'a jamais été, il a toujours dit que c'était pas son but dans la vie, et je pense que ça me paraît totalement logique de l'imaginer, en fait, se dire non, là j'arrête chez Red Bull et je change d'air, surtout que derrière il y a le départ d'Helmut Marko qui est son mentor, son accompagnant, vraiment limite pratiquement son deuxième père ou grand-père, je sais pas, donc qui est toujours avec lui et qui a toujours été dans sa carrière, qui a été l'artisan de son arrivée chez Red Bull et son passage dans le groupe. Et je pense qu'effectivement, il y a tout un tas de choses qui jouent. Et puis bah, après, c'est un pilote de course qui est dans la même équipe depuis quasiment 10 ans. Et on sait que les pilotes de course aiment aussi changer d'air. Et c'est normal. C'est un peu comme n'importe qui aurait un travail et puis veut évoluer un peu. Et ben voilà, c'est pareil. Donc, c'est. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais il y a, comme on le disait la dernière fois, il y a 3 mois, ça paraissait fou qu'Hamilton rejoigne Ferrari. Et au final, ça arrive. Donc, c'est vrai que c'est, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais en tout cas, la situation est loin d'être calmée en interne chez Red Bull. C'est, on fait bonne figure et tout. Et de toute façon, eux, ils veulent ce qu'on disait, c'est qu'ils veulent dissocier un éventuel départ de Verstappen de tout le bordel qu'il y a eu avant, parce qu'ils veulent pas que ce soit dit qu'en gros, c'est leur gestion qui a fait comme conséquence le fait que Verstappen parte. Mais si c'est le cas, ça aura aussi contribué, évidemment. Oui, et si vous lisez aussi en plus bien les articles de Nigel Nato, ce dont je suis certain, vous verrez aussi que le discours même de Max Verstappen envers Toto Wolff, c'est très très très adouci. Hein. Déjà jeudi, c'était déjà beaucoup plus policé, et puis même après la course, quand... tout peut se pardonner. Quand tout peut se pardonner, quand Toto dit, bon, de toute façon, Max va gagner le titre et tout, il a dit, bon, je le remercie pour ses propos gentils, voilà. Voilà. On sent vraiment une vraie grosse différence de ton entre les deux. Après, c'est vrai que tu évoquais le fait que Fred Vasseur avait déjà signé Lewis Hamilton. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on aurait peut-être plutôt vu Max Verstappen aller en rouge l'année prochaine. C'est clair, à mon avis, c'est très clair. Mais voilà, mais c'est pas un mauvais choix non plus, parce que Mercedes, c'est quand même une équipe d'usine qui sait construire de très très bons moteurs. D'ailleurs, le moteur Mercedes, c'est toujours l'un des meilleurs. Et s'il y a bien un motoriste qui a une énorme expérience de cette ère hybride, c'est Mercedes. Et aussi Honda. Donc, et Honda, effectivement, c'est Aston Martin. Oui. Mercedes, c'est l'équipe d'usine. Voilà. Donc, c'est effectivement deux possibilités pour Max Verstappen de se retrouver à un nouveau défi. Et pour en revenir sur le fait qu'il pourrait partir de cette équipe, moi, connaissant le garçon un peu mieux maintenant, en ayant lu sa biographie aussi par rapport aussi à ses réflexions après ses titres et tout, c'est quand même quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs aussi. Donc, s'il y a des choses qui lui plaisent pas, il l'a bien dit, il est très attaché effectivement à Helmut Marko, ce qui l'a fait débuter en F1, alors que Horner ne voulait pas le promouvoir au début. On rappelle ça en 2016 quand même. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle à son noyau de personnes autour de lui. Donc si effectivement il a des valeurs à respecter, qu'il sait ce qui s'est passé en interne avec cet employé, et que c'est Horner qui finalement tire les marrons du feu, en profite pour prendre plus de galons dans le groupe Red Bull, ou qui reste simplement la tête de l'équipe Red Bull Racing, je pense qu'effectivement ça risque un peu de le perturber. Je pense que dans le clan Red Bull, ils doivent attendre de voir ce que va faire l'employé en question. Effectivement, est-ce qu'elle va attaquer elle va faire appel effectivement de l'enquête interne. Si jamais ça donne rien, ça ira certainement en justice. À ce moment-là, comme disait une avocate, si ça va en justice, du coup, tous les éléments de l'enquête seront forcément dévoilés. Donc là, ça risque d'être beaucoup beaucoup plus difficile à tenir pour Christian Horner en termes de médiatisation notamment. Mais voilà, les Thaïlandais, comme on l'a dit, ils n'ont que faire de ça. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est casser la filiale autrichienne, marquer le fait que ce sont eux les propriétaires à 55%, eux qui ont tous les droits de décision, donc déménager le groupe dans sa gestion à Dubaï, et remarquer le fait que Red Bull, c'est Thaïlandais à la base, et voilà, c'est l'opportunité malheureusement de la mort de Dietrich Mateschitz qui fait que l'actionnaire thaïlandais veut reprendre la main. Et si vous avez lu aussi l'article sur Nigel Auto cet après-midi, Helmut Marko n'a pas nié du tout que les Thaïlandais voudraient aussi se séparer peut-être de ce qu'on appelle Visa Cash APRB, Racing Bull, nous on l'appelle RBF1 parce que c'est le nom de l'équipe qu'on peut déduire de ce qui est inscrit à la FIA, alors que Racing Bulls, c'est le nom de l'entreprise, donc on ne peut pas normalement l'utiliser en tant que tel, même si certains le font, et que RBF1, voilà, il y a des offres, et que les Thaïlandais, à mon avis, eux, dans leur idée, c'est si on peut le vendre et retirer pas loin d'un milliard d'euros, ils seraient contents de le faire. Et ça, forcément, c'est contraire à ce que voudrait Marko, c'est contraire au bon sens, entre guillemets, politique de l'impact de Red Bull en Formule 1, mais voilà, les Thaïlandais, eux, ce qui les intéresse, c'est de faire gagner, a priori, Alex Albon, voilà, un pilote thaïlandais au volant d'une monoplace issue d'une marque thaïlandaise, et puis autrichienne, voilà, parce que c'est tout ce qui joue, c'est de l'ego entre milliardaires. Pour pas dire autre chose. Et voilà, et Christian Horner, le fait qu'il soit très très proche effectivement de l'actionnaire thaïlandais joue en saveur pour l'instant. Après, est-ce qu'il pourra tenir médiatiquement cette position-là dans la culture occidentale que nous avons actuellement, qui est de dénoncer toutes ces dérives, et que les gens qui en sont coupables soient vraiment punis et soient écartés de la scène publique, c'est quelque chose effectivement qui reste à voir. Maintenant, je pense pas que sa position sera tenable très longtemps si l'affaire va en justice et que les éléments, voilà, rappelons que les éléments que vous avez peut-être tous vus sur Twitter, sur X, ont été confirmés comme étant véridiques par un proche de l'employé. Donc qui ne peut pas s'exprimer pour des raisons de confidentialité. Donc voilà, donc c'est extrêmement complexe. On n'a pas encore vu le bout de cette affaire. On verra si en Chine, on aura le docteur Helmut Marko présent. S'il n'est pas présent, alors qu'il a prévu quand même de faire les 24 courses, s'il n'est pas présent, il faudra commencer à tirer effectivement le fait que ça commence à bouger en interne, que ça risque de... Peut-être même avant, la Chine, ça se trouve. Hein. Donc, restez connectés, on ne sait jamais. Bah c'est ça, hein, ça peut aller vite, on sait. Et puis là, c'est vrai que c'est une affaire qui est quand même assez, assez évolutive. Donc, ouais, moi, je suis pas forcément... je serais pas surpris que Marco annonce son départ rapidement. Et derrière, ce sera forcément des réactions en chaîne. Et peut-être que le sort de Verstappen se réglera justement avant même qu'on sache. Parce que si l'affaire Horner va en justice, il y aura quand même des mois et des mois d'attente. Et je pense que, en fait, si c'est pas, si ça se résout pas rapidement, je pense que Verstappen fera le choix de partir quoi qu'il arrive. Après, bah, si ça se résout plus tard, tant pis pour lui, tant pis pour eux surtout, parce que c'est, je pense que Red Bull perd autant au moins que Verstappen. Mais et puis derrière, ça déclenchera une phase de transfert, donc sur lesquels on reviendra évidemment, parce que là, il y a quand même beaucoup à dire. Mais comme tu disais, avec l'objectif pour l'actionnaire thaïlandais de Red Bull de placer Albon. Qui s'il atterrit en 2025 dans une Red Bull, sera quasiment un candidat au titre naturel. Donc, on pourrait avoir une physionomie de saison totalement différente l'an prochain. On sait déjà que chez Ferrari sera différent. J'en profite pour faire une belle transition. Puisque l'an prochain, il y aura Lewis Hamilton à la place de Carlos Sainz. Mais là, pour l'instant, c'est Sainz qui a tenu la boutique ce week-end, hein, puisque. C'est lui qui a fait la meilleure qualification et du coup le meilleur résultat en course. Alors c'est vrai qu'il s'est qualifié quatrième, il a fini troisième. Leclerc s'est qualifié huitième après un mauvais tour de qualif durant lequel il a dit qu'il avait la super feeling mais qu'en fait il n'avait pas de vitesse. Il se sentait vraiment à l'aise au volant mais une fois que le tour se terminait, il n'avait pas de rythme. Et c'est vrai que du coup ça a fait que... bon alors Leclerc a fait quand même une super course avec un seul arrêt. Qui a fonctionné et qui était rapide puisqu'il a quand même réussi de remonter de la 8ème place à la 4ème place mais pas suffisant pour aller chercher Sainz et le podium. Le fait est que Ferrari est encore largement l'équipe qui marque le plus après Red Bull et consolide sa place en fait de deuxième équipe, de deuxième force du plateau, Franck. Oui, bon, aucun doute sur le fait qu'effectivement Ferrari est la deuxième force actuellement du plateau. Un petit peu devant McLaren, loin devant Mercedes et Aston Martin, donc je pense que là de ce côté-là on a une hiérarchie qui est assez claire donc sur quatre grands prix, quatre tracés assez différents. Maintenant Ferrari a l'air d'avoir bien bossé. La petite faute effectivement du week-end est plutôt du côté du pilotage de Charles Leclerc en qualification, c'est ce qui coûte. Alors, pas grand-chose au final, puisqu'ils auraient quand même fini, au mieux, je pense, 3e et 4e. Donc, on va dire qu'il a rattrapé un petit peu son erreur de qualif en course. Mais bon, c'était un peu plus laborieux de la part de Charles Leclerc, qui promet de bosser là-dessus, hein, alors que, normalement, c'est pas un sujet qui le préoccupe. Les qualifications, il a toujours été, en général, extrêmement rapide, toujours... très très grande majorité devant Carlos Sainz, et là c'est vrai que depuis le début de l'année il se fait un peu taper dessus par son équipier qui, rappelons-le, est quand même très motivé parce qu'il faut qu'il trouve un baquet pour l'année prochaine. C'est pas fait, donc forcément il y a un facteur motivation chez Carlos Sainz qui est de démontrer qu'il a toute sa place dans la meilleure équipe possible. Donc voilà, je me fais pas plus de soucis que ça pour Charles Leclerc qui saura retrouver effectivement les bases. Moi ce que je retiens surtout c'est que Ferrari c'est encore une fois très solide. C'est vrai que j'ai vu quand même sur pas mal de commentaires dans les réseaux sociaux, hein, puisque maintenant on n'a plus de commentaires sur le site sous les articles, mais des gens s'étonnaient de l'optimisme de Frédéric Vasseur, alors que c'est entre guillemets de se contenter d'être deuxième. Les gars, vous passez pas d'une deuxième place à. Vous étiez à 50 secondes l'an dernier, quasiment, entre 44 et 50 secondes de l'année dernière. Ils ont même mieux que divisé par deux leur retard cette année. en l'espace de voilà, en l'espace de quelques mois, quoi. Je veux dire, vous passez pas de deuxième à premier comme ça. Donc oui, je crois qu'ils ont raison d'être optimistes, de se réjouir. La voiture est extrêmement saine. Elle dégrade pour le coup très peu ses pneus, hein, parce que Ferrari quand même réussit à faire le très bon résultat de Leclerc avec un seul arrêt sur un circuit qui est extrêmement exigeant pour les pneus. Donc ça, c'est extrêmement positif pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont enfin vraiment réglé leur problème de dégradation des pneus, et que donc du coup ils vont vraiment pouvoir bâtir sur la performance, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire l'année dernière, parce qu'il fallait absolument d'abord régler ce problème de rythme de course. Donc la voiture étant extrêmement saine et facile à piloter, et ben c'est forcément une très très bonne base pour la suite. Vous allez voir, ce qu'on en disait un peu avec Manu en rigolant, c'est qu'on va avoir une super saison 2025 à l'image de 2021, avec une bagarre de fou, et hop, allez, table rase, on recommence tout en 2026. Mais je t'ai même dit, hein, 2008 c'était pareil avant le changement 2009, 2012-2013 c'était pareil, bon, à part les Pirelli qui vient un peu faire son truc, mais avant le 2014, donc c'est un cycle en F1, et c'est vrai que les convergences de performance se font avec les règlements. Et là, clairement, on voit qu'on est parti pour avoir une saison 2025 de fou. Même si Verstappen reste chez Red Bull, on aura quand même des écarts beaucoup plus serrés. Voilà, avoir un grand changement de réglementation qui, bon, avec le budget cap et puis les handicaps de développement, devrait quand même limiter les écarts. Mais avec le nouveau moteur, on aura forcément plus d'écarts en 2026. Mais oui, effectivement, après, chez Ferrari, moi, je trouve que c'est vraiment la dégradation des pneus qui est vraiment le truc hallucinant. Parce que l'an dernier, Suzuka avait été difficile pour eux à cause de ça, et globalement c'était leur gros problème, la voiture était pas super agile et tout, et là ils ont tout l'inverse, ils ont une voiture qui a été très efficace sur l'ensemble du circuit, globalement, ils faisaient pas de grandes performances sur un secteur, je pense à McLaren qui faisait toujours un bon secteur, le premier, et puis qui derrière s'effondrait. Ferrari, c'est une voiture qui est polyvalente, et qui ne dégrade pas ses pneus, parce que c'est vrai que si on est venu à Suzuka il y a que 6 mois, faut pas oublier le contexte, c'est que l'an dernier c'était à l'automne, là c'est au printemps, et en 6 mois on est passé d'une Ferrari qui était quand même la voiture qui a le plus de mal à mettre ses pneus dans la fenêtre de fonctionnement et à les économiser, à une voiture qui est capable de faire un seul arrêt sur une piste qui a 12 degrés de plus que le reste du week-end, et en ayant quand même bien fonctionné quand la piste était à 28 degrés. Donc je pense qu'il faut vraiment saluer les progrès faits par Ferrari et le travail qu'a abattu l'équipe, parce que c'est phénoménal de à ce point-là, un, se rapprocher en performance pure, mais deux, surtout, trouver autant de solutions pour rendre une voiture qui était difficile à exploiter, quasiment une des plus faciles à exploiter. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, ça ne convient pas à Leclerc, notamment sur un tour. Lui, c'est son problème. Il disait que c'est la première fois dans sa carrière qu'il est confronté au fait que le samedi soit difficile pour lui. Alors, ça fait pas beaucoup de samedis, heureusement, hein, ça en fait que deux. Avant ça, il avait fait cette première ligne consécutive, donc on ne va pas non plus s'inquiéter pour lui. Mais c'est vrai que c'est étonnant de le voir où finalement c'était son exercice favori, et en gros, même si ses courses n'étaient pas toujours au même niveau, il était toujours très très bon le samedi, et là on voit que c'est un peu l'inverse. Et alors bon, évidemment ça vient aussi sûrement de la voiture, hein, puisque encore une fois on a une très bonne voiture de course chez Ferrari, peut-être que Leclerc s'en accommode mieux, mais tant qu'il partira derrière Sainz, ce sera un peu compliqué pour aller le devancer en finale. Et il est vrai que Sainz, faut pas oublier que c'est quand même 100% de podium cette année, puisqu'il n'est pas en course à Jeddah. Puisqu'il s'est fait opérer, donc il fait les trois autres courses, et les trois autres courses il fait deux troisième places et une victoire, donc effectivement pour l'instant ça tient. Alors moi j'attends toujours de voir, parce que on connaît Carlos Sainz, on connaît sa manière de, à un moment il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage et puis il s'effondre vite et il s'effondre beaucoup quand il aura signé quelque part, tu vois. C'est ça, une fois qu'une équipe lui aura donné sa confiance, il va se relâcher un peu, ça va être la fin. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, c'est vraiment un de ceux qui m'impressionne le plus, parce que je n'avais pas forcément les attentes de le voir à ce point-là, hein, dans un très bon niveau. Je pensais justement que dans sa situation contractuelle à se faire remplacer, il allait être un petit peu plus un petit peu en tension. Et en fait, non, c'est un peu comme... c'est un peu comme les dernières fois où il s'est retrouvé sans volant. Au final, il sait se montrer, et donc... c'est tant mieux pour lui. Après, c'est vrai que voilà, c'est Ferrari, globalement, moi, je suis vraiment impressionné. Et là, on voit le travail de Vasseur, en fait. On voit qu'on avait déjà commencé à voir l'an dernier, où l'opérationnel avait évolué très, très vite. On avait vu une équipe qui, au bout de 9-10 courses, commençait à moins faire d'erreurs, à faire des meilleures stratégies, à avoir une meilleure dynamique, en fait, même au niveau de la manière dont les pilotes parlaient avec leurs ingénieurs et tout. On voit que ça a évolué. Alors, c'est pas Vasseur qui fait des miracles en claquant des doigts, mais il redonne un souffle nouveau, il donne une manière de travailler à tout le monde. Et là, on voit qu'il a réussi à insuffler quelque chose de nouveau aussi dans le département technique, dans la manière d'avoir une philosophie de développement et de conception, et c'est vrai que ça change absolument tout. Ça change absolument tout sur, sur ce que fait Ferrari. Après, bon, effectivement, voilà, il reste encore des, enfin, ils sont encore loin de Red Bull, mais ça va se jouer aux évolutions. Et cette fois, s'ils apportent des évolutions aussi bonnes que l'an dernier, parce que pareil, il ne faut pas oublier que l'an dernier commence quand même très très mal et ils finissent bien mieux que ce qu'ils étaient en début de saison, il y aura des circuits où ils seront au niveau de Red Bull. Déjà, comme ils l'ont été à Melbourne, naturellement, ils étaient à un niveau qui était proche de celui de Red Bull, voire devant. Et ce sera pareil du côté de, enfin, sur certains autres circuits, si Red Bull n'amène pas une grosse évolution, évidemment, qui leur donnerait davantage. Oui, d'ailleurs, j'en rebondis du coup sur le message de Basslash dans le chat, qui c'est assez parlant que la saison prochaine est déjà plus attendue que celle qui vient à peine de commencer. On vous explique quand même depuis quelques courses que Ferrari, justement, est là, est très proche. Elle a même gagné un Grand Prix. Et justement, alors oui, effectivement, il y a énormément de choses qui se disent sur les transferts. Hamilton chez Ferrari en 2025, ça a vraiment tout bousculé en termes de planning et d'agenda. Il y a la moitié de la grille qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Effectivement, tout le monde, voilà, la Formule 1, c'est comme ça aussi. Ça a toujours été un sport qui est très divisé entre deux parties, le côté piste, effectivement, et le côté paddock, polémique, politique, transfert. Ça a toujours été comme ça, la Formule 1. Donc, c'est d'ailleurs un sport qui est fascinant, moi, enfin, en tout cas pour moi de ce côté-là, c'est qu'il se passe toujours quelque chose en Formule 1, même pendant l'hiver, même entre les Grands Prix. Voilà, pour ceux qui suivent, je pense, le rallye ou l'endurance, ce genre de choses de manière très assidue, vous n'aurez jamais autant d'informations sur ces sports-là entre deux événements. C'est pas possible. En Formule 1, vous avez toujours des choses à dire. Et encore, sur Next Gen Auto, on publie beaucoup, mais on sélectionne encore aussi beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un sport qui est très médiatisé. Et effectivement, bah, on se concentre, nous, sur 2024, actuellement, côté piste, et on vous dit qu'on a des espoirs, c'est factuel, hein, voilà, que Ferrari puisse effectivement aller titiller Red Bull, peut-être pas pour le titre mondial, soyons clairs, encore que peut-être pour les deux pilotes peuvent jouer le titre constructeur si Pérez s'écroule, parce que pareil, je disais, si Pérez craque, le titre constructeur est possible chez Ferrari. Oui, maintenant, je pense que Pérez, ils vont pas le signer tout de suite pour 2025, parce que comme dit Marco, il a jamais été meilleur que quand il est sous pression. Et d'ailleurs, il a même déjà exclu de le signer pour 2 ans si jamais il devait rester. Voilà, parce que là, je pense qu'ils vont pas refaire la même bêtise entre guillemets qu'est-ce qu'ils avaient fait en 2022, de le signer à la fois pour 2023 et 2024. Donc voilà, cette partie-là. Donc non, en 2024, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Je vous dis pas que Max Verstappen ne sera pas champion du monde, je pense qu'il est extrêmement bien parti pour cela. Maintenant, je vous dis qu'il y aura quand même beaucoup plus de victoires non Red Bull cette année qu'il y en a eu l'an dernier. Voilà, ça, c'est un engagement presque... Je ne mettrai pas ma main à goûter parce que je dis tiens, parce que si j'ai plus de main pour taper les articles, ça va être compliqué. Mais, c'est compliqué, oui. Voilà, c'est ça, mais je vais mettre un petit bout d'ongle à couper un peu plus que les autres, on va dire. Non, mais c'est vrai que c'est... En fait, il reste 20 courses et Red Bull en a déjà perdu une, donc c'est... faut pas se... Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens sont... Comment dire, les gens sont un peu fatigués de la domination de Verstappen, même si au final, il faut rappeler que dans le temps, elle n'est pas énorme, c'est que 2 saisons. Et encore, c'est même pas 2 saisons, c'est 1 saison et demie. Mais c'est vrai que, malgré tout, il y a... comment dire... Je pense qu'il faut voir que Red Bull est déjà en train de reperdre un peu la dynamique qui était monstrueuse en 2023, ça c'est vrai, et va pouvoir justement revenir à quelque chose de... Enfin, voir les autres revenir en tout cas sur la fin de saison. Et moi je reste convaincu effectivement comme toi qu'on n'est pas du tout au bout des défaites de Red Bull. Ils n'en perdront pas non plus 12 ou 15, hein, faut pas... Non. Mais par contre, à commencer par Shanghai. On nous dit Shanghai, mais Shanghai, c'est justement un circuit qui est réputé pour favoriser le greening. Et c'est justement un des points faibles de la Red Bull cette année et un des points forts de la Ferrari. Donc peut-être que même dès Shanghai, si Ferrari aborde très bien cette course, qui reste pas une inconnue totale, parce que voilà, mais en termes de pneumatiques, ça fait quand même 5 ans qu'ils n'ont pas mis les pneus là-bas. Ces monoplaces-là, avec effet seul, n'y ont jamais été. On sera sur un week-end sprint. Donc une seule séance d'essai pour régler les monoplaces. Par contre, non, je sais plus si la règle du parc fermé a évolué ou pas. Je me souviens plus mal. Légèrement, je crois, mais de toute façon, ils vont quand même se retrouver qu'un sprint le samedi matin. Donc il y a quand même des choses qui vont un peu bouger. Donc grâce au switch des séances, mais ça pourrait être très très intéressant. Et quand vous avez qu'une seule séance pour régler votre voiture, si c'est un circuit qui on appelle ça front limited, c'est-à-dire que c'est l'avant qui vous limite. Donc c'est là le greening qui apparaît. Trouver la bonne solution en une heure, c'est chaud. Oui. Donc ça pourrait très bien favoriser effectivement Ferrari. Donc voilà, circuit presque nouveau, en tout cas nouveau pour les F1 et effet de sol, plus sprint, plus greening, égale conditions plutôt favorables pour peut-être pourquoi pas pour Ferrari plutôt que Red Bull pour la prochaine course. Mmh. Ouais. Voilà, c'est le genre d'exemple que peut arriver quoi. Complètement, complètement. De toute façon, c'est vrai que ça va être un défi totalement différent, ça va être compliqué pour tout le monde. Et on sait que Red Bull, finalement, les fois où elles ont été plus en difficulté ces deux dernières années, c'était les week-ends de sprint où ils avaient du mal à se mettre dans le bain au niveau des réglages et au niveau de l'aisance. On sait que Verstappen a besoin d'être très à l'aise avec sa voiture, il y arrive très souvent rapidement, mais quand il ne l'est pas, il voit tout de suite des problèmes qui font, comment dire, arriver, alors que même s'il ne les ressent pas, et en tout cas, ça ne se ressent pas au niveau du chrono. Mais voilà, et Shanghai, il faut pas oublier que c'est un circuit qui est technique très compliqué techniquement parce que il y a énormément de virages lents, il y a quelques courbes rapides, mais surtout il y a ces deux grands virages, un qui se resserre et l'autre qui s'ouvre, qui sont un peu tous les profils de virages en un seul. Donc c'est quelque chose qui va forcément demander beaucoup d'équilibre, et notamment à ces voitures à effet de sol, parce qu'on est sur une piste, alors je sais pas comment la piste sera bosselée, avant elle était beaucoup dans ces virages là j'espère qu'ils ont bien fait le resurfaçage, parce que sinon on va être sur des virages où il y aura des cassures aéro, puisqu'en fait ces voitures là sont très sensibles à la vitesse de passage en courbe, et plus on ralentit avec ces voitures, moins il y a d'appui et plus elles sont difficiles à conduire. Et si en plus de ça on rajoute des bosses, forcément ça va faire des cassures d'appui qui seront vraiment très nettes, et du coup ça va être très compliqué pour les pilotes. Je pense au premier virage qui rentre comme une courbe très rapide et qui se finit comme une épingle suivie d'une épingle à gauche. Ça va être très compliqué de retrouver un appui constant là-dessus, et donc de passer d'avoir des passages qui seraient réguliers. Donc ça va être un des gros défis, et encore une fois, un escargot, il n'y aura qu'une séance. Ouais, Jacotti me demande combien d'années qu'on n'y a pas été. C'était 2019 la dernière, c'était l'occasion du 1000e Grand Prix de Formule 1. Et depuis effectivement on n'y est pas allé, on aurait dû y aller l'an dernier et c'était encore annulé, donc non, c'est quand même quelque chose qui va être assez oui, Nico, c'est confirmé, il a été resurfacé, on a vu des photos, il y a vraiment un resurfaçage complet qui a été fait, et heureusement, parce que les dernières photos qu'on avait vues, c'était 2021 je crois, c'était le super tourisme chinois qui était là-bas, et c'était un champ de bataille. Il y avait, en plus les abords de piste n'étaient pas tondus, les vibreurs étaient pourris, enfin ouais, ils ont tout refait, et heureusement, mais encore une fois c'est un grade 1, donc heureusement que ça ne ressemble pas à un championnat national. et effectivement, donc ça promet, parce qu'au final ça va être l'inconnu pour tout le monde. Pirelli envoie ses C2, C3, C4 en mode on verra bien ce qui se passe, parce que de toute façon on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc ça promet. Je pense pas qu'on aura une révolution au niveau de la hiérarchie, mais je pense qu'on va avoir des surprises sur certaines équipes qui ne seront pas là où on les attend. Moi, j'ai hâte de voir, par contre, ce que vont donner les tribunes, parce que c'est vrai que ça a toujours été un peu désertique, Shanghai. Oui. Voir ce que l'effet Netflix aurait pu avoir et la F1 en vent en poupe sur Shanghai. C'est la première fois qu'on va y retourner depuis 2019. Alors certes, il y a déjà un petit peu d'effet Netflix en 2019, c'était le tout début, mais là, peut-être, est-ce qu'ils vont enfin ouvrir ces tribunes qui sont toujours restées fermées? Dans le grand virage avant la ligne droite, là. C'est ça, un truc qui était devenu des panneaux de pub géants, mais c'est vrai que, est-ce que l'effet Guanyu-Zhou aussi? Parce que, oui, c'est quand même aussi. Il y a un pilote chinois pour la première fois, et faut pas sous-estimer, je pense, la ferveur populaire aussi. Enfin, c'est un pilote de fond de grille entre guillemets, mais malgré tout, ça reste un pilote national, et je pense que ça peut aider. Donc, on verra. Je sais pas du tout ce qu'ils ont. Ils ont pas du tout parlé de billetterie. Enfin, c'est très. Non. On n'a pas l'impression que le Grand Prix est dans deux semaines, en fait. Mais bon. Peut-être pour son seul Grand Prix d'ailleurs de à domicile. Il aura au moins réussi à le faire une fois. Ouais, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est pas forcément très très bien engagé pour Joe. C'est ça. Ferrari, donc voilà, en tout cas, encore une fois, deuxième force. Côté bis, en tout cas. S'il nous reste quand même l'avenir de Carlos Sainz, quand même. Oui, c'est vrai. À évoquer avant de passer. C'est vrai. L'avenir de Carlos Sainz qui est lui aussi, après Verstappen, la plus grosse pierre angulaire des transferts, en fait. C'est ça. Bah, on avait évoqué d'ailleurs les premiers sur Next Gen Auto à vous dire que Audi avait mis la pression sur Carlos Sainz pour avoir une réponse à la mi-avril, donc ça veut dire d'ici une semaine, grosso modo. Bon, effectivement, voilà. Est-ce que Carlos Sainz est prêt à s'engager avec Audi F1 pour 2026, donc arriver dès 2025 chez Stack F1 Sauber pour préparer le défi, et ensuite voilà, et bon, ça avait été il n'a pas voulu vraiment commenter cette information là bon, c'est Helmut Marko hein, qui s'en est chargé, hein, qui a dit nous, de toute façon, on va pas céder aux pressions de gens qui ne sont pas encore là en F1, qui veulent absolument boucler leur pilote dès maintenant. Voilà, donc on sort de ça. Donc en gros, bon, bah, Marco a plus ou moins confirmé qu'effectivement Audi cherchait absolument à recruter son duo. On peut donc du coup supposer que Nico Hülkenberg a vraiment signé pour voilà, si effectivement les rumeurs disent vrai, on peut aussi estimer que celle-ci est vraie aussi. Donc Nico Hülkenberg sera chez Steak F1 Sauber. Puis Audi, donc à partir de l'année prochaine. Et du coup, ça nous laisserait un Carlos Sainz qui a le choix, bah, qui a un choix malheureusement limité. Et lui, le problème, c'est qu'il est, il l'a dit, hein, ce week-end, toutes les négociations sont lancées avec tout le monde. J'ai discuté avec tout le monde, toutes les options sont ouvertes. Et aujourd'hui, il a encore dit qu'il fallait qu'il était temps d'étudier les options et de prendre une décision. Donc, prendre une décision, ça veut en gros dire. Je dis oui à Audi et je m'assois sur tout ce qu'un éventuel départ de Max Verstappen pourrait engendrer. Oui. Soit ben il prend le pari de dire non à Audi, de voir s'il peut effectivement signer. Ben il y a plusieurs possibilités pour lui. Retour chez Red Bull, c'est pas impossible non plus. Hein. Maintenant une relation entre Max Verstappen et Carlos Sainz. Je demande à voir. Chez Mercedes, il serait pas en tête de liste de Toto Wolff aussi. Donc moi, ça m'étonne un petit peu parce que quand même, Carlos Sainz, c'est quand même un des meilleurs pilotes disponibles, je pense. Mais je pense que Wolff préférait peut-être. Enfin, il se dit que Wolff préférait plutôt lancer Kimi Antonelli aux côtés de Russell que de faire venir Sainz. Ma foi. Voilà. Ou voilà, est-ce que Carlos Sainz aura aussi un soutien du côté d'Aston Martin, effectivement, pour aller remplacer Fernando Alonso. Ouais. Si Fernando Alonso prend sa retraite ou si Fernando Alonso va chez Red Bull à la place de Max Verstappen, parce qu'il y a plein, il y a tellement de scénarios possibles. En fait, c'est extrêmement compliqué de tous les passer en revue. C'est pour ça que Carlos Sainz, c'est un peu, voilà, il se retrouve piégé par cette situation Red Bull, en fait. Mmh. Malgré lui, s'il y avait effectivement pas cet inconnu Max Verstappen, ce serait assez facile de se décider. Il pourrait dire, il tentait le tout pour le tout pour le tout avec Mercedes d'un côté. Et si ça passe pas, bah signer chez Audi, même chez Aston Martin, ça prend un peu plus de temps, puisque chez Aston Martin, bah malheureusement, Lance Stroll, bah malheureusement, pour l'instant, Lance Stroll est inamovible, et Fernando Alonso, ça reste le pilote prioritaire, et il veut se décider, mais pas tout de suite. Il va peut-être se laisser encore quelques semaines, voire quelques mois, en tout cas avant l'été, pour se décider si... Sauf si ça a effectivement bougé du côté de Red Bull d'ici là, évidemment, parce que là, je pense que le jour où ça bouge chez Red Bull, pour de bon, attendez-vous à quelques séismes au niveau des annonces derrière. Hein. Oh bah derrière, ça va être les dominos. Ah oui, ça va être les dominos, mais ça va tomber direct. Quoi. Donc, je pense que tous les scénarios sont déjà étudiés par la plupart des patrons d'équipe. Si Verstappen s'en va, alors ça, ou s'il reste. Bien sûr. Là, c'est, je veux dire, ça va se passer en quelques heures. Quoi. Donc voilà, donc Carlos Sainz dit qu'il a, enfin en tout cas, dit aujourd'hui qu'il y avait une décision importante à prendre. Donc en gros, à mon avis, c'est accepter la proposition d'Audi et se dire que bah, malheureusement, ça ne gagnera pas des titres et des victoires à court terme. Soit ben, jouer son va-tout et avoir une très bonne place, peut-être chez Mercedes, peut-être chez Red Bull, peut-être chez Aston Martin, mais c'est même pas sûr. On voit mal comment il pourrait rester écarté d'un bon baquet quand même, ou d'un baquet pour l'an 2025, mais à jouer la montre, c'est ce qui risque malheureusement de lui arriver. Quoi. Mais c'est ça, en fait, la semaine dernière, on disait avec Alex que justement, Audi faisait un peu pression en n'ayant pas la main et en faisant un peu le coup de bluff, et au final, le coup de bluff fonctionne parce que Sainz se rend compte qu'il est voulu par plusieurs équipes, mais il n'est pas prioritaire dans les équipes. Et du coup, forcément, il peut aussi être le dindon de la farce et se retrouver... complètement perdu au milieu de tout ça. C'est ça qui est assez fou, en fait. C'est vrai que Sainz est un peu dans une position... Il me fait un peu penser à Ocon, mais Ocon, c'est encore pire, parce qu'il est aussi dans les plans B des équipes, et à aucun moment, il est vraiment le candidat naturel. Et c'est vrai que c'est des pilotes qui, du coup, sont obligés de prendre des décisions plus tôt qu'ils l'auraient voulu. Je pense pas que Sainz est ravi de devoir prendre une décision rapidement. Mais c'est vrai qu'assurer son avenir à un moment sera plus rassurant que tenter le tout pour le tout et puis se retrouver à ce que Red Bull signe Albon, que Mercedes signe Verstappen, machin, et puis qu'au final, il n'y ait pas de place pour lui, quoi, parce que derrière, entre-temps, Audi aura signé son pilote et il pourrait se retrouver à être bloqué. Donc, il pourrait chez Williams. Ouais. Mener un projet Williams. Ouais, aussi. Hein. Après, c'est sûr que, de toute façon, aujourd'hui, tous les projets de F1 sont intéressants. Donc, Il ne serait pas sans baquet, voilà, oui. Mais il n'y aurait pas le meilleur baquet possible, quoi. Non. Donc, et c'est vrai, bon, le projet Audi, il est quand même, déjà je pense que le projet Audi pour un pilote serait très lucratif parce qu'Audi met les moyens, et je pense que s'ils veulent Sainz, ils peuvent faire un petit peu jouer le contrat en disant ok, je viens mais je suis votre leader donc je veux un tel salaire. Et il y aura quand même un potentiel chez Audi. Audi ne vient jamais dans les sports auto pour faire de la figuration. Alors, c'est pas exactement la même équipe que celle qui est venue en WEC ou qui fait d'autres choses, mais au final, c'est l'usine de Neuburg qui a quand même toujours fait des choses très très bien et qui fait le moteur de la F1. Et c'est Inoui là, qui est en train d'être totalement rénové et qui est quand même une équipe qui a fait tourner BMW en candidat au titre il y a 15 ans, qui va gérer le projet au niveau châssis. Donc, il y a forcément. Moi, je trouve que je serais Sainz pour moi. Faut pas qu'il attende Mercedes ou Red Bull. C'est soit il va chez Aston en se disant je remplace Alonso ou je remplace Stroll, parce que moi je maintiens que Stroll n'est pas si inamovible que ça. Et on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais soit tenter le coup de poker chez Audi, c'est compliqué. Alors, c'est sûr, ça peut être entre guillemets la fin d'une carrière. Et il y aura un gros piège à relever, c'est celui de Nico Hülkenberg, qui est un pilote qui peut se montrer aussi très très bon. Et s'il est vraiment là, déjà, bon, Hülkenberg qui te prend un contrat de 2 ans à 36 ans, je ne l'ai pas vu venir, mais si c'est le cas, en tout cas, voilà, ce sera quand même compliqué pour Sainz, mais je pense que ça reste le projet avec le plus de potentiel, et même s'il y a une année de purgatoire chez Stake, quoi. Mais bon, en tout cas, je pense que lui, ouais, à mon avis, ce sera peut-être un des premiers dominos à tomber, si ça met un peu de temps chez Red Bull, peut-être que lui décidera d'ici pas très longtemps, oui, de signer. Et je pense que bah, après, s'il signe par exemple chez Sauber / Audi, on saura rapidement, quoi. En tout cas, une équipe où il n'y aura pas de changement l'an prochain, c'est McLaren, puisque eux, ils ont déjà des pilotes signés à long terme. Petite déception chez McLaren pour le Grand Prix du Japon, puisque... Moi, mon plan dernier. Voilà, l'an dernier, c'était la deuxième force, très nette. Ils avaient profité du très mauvais week-end de Sergio Perez pour être tous les deux dans le sillage de Verstappen. Cette année, ils sont tombés sur un os appelé Ferrari. Norris s'est qualifié 3e, mais n'a pas réussi à résister en course. Piastri a été un petit peu en deçà tout le week-end par rapport à l'an dernier où il était dans le rythme de Norris. Et au final, ça fait 5e pour Lando Norris, 8e pour Oscar Piastri. L'équipe reste quand même la 3e force, que ce soit sur le plan comptable ou en piste. Mais et assez nettement, puisque Mercedes est... assez nettement. Oui, il y avait quand même plus de potentiel que chez Mercedes et Aston, en tout cas. Mais voilà, c'est une petite déception pour McLaren, et en même temps, eux se satisfont très bien d'une 5e et d'une 8e place sur un circuit aussi compliqué que Suzuka. Oui, bon, après, ils n'avaient pas de... Ils savaient qu'en rythme de course, Ferrari serait devant, donc ils n'avaient pas trop d'espoir non plus. Même déjà avant la course, voilà, le podium, Norris, effectivement, l'envisageait, parce qu'il voilà, bah, il pouvait pas dire autre chose non plus, mais... Après, dans les déclarations d'après-course, on avait quand même senti qu'ils avaient, ils craignaient dès le vendredi le rythme de course de Ferrari. Et voilà, bah, ça s'est révélé être le cas. Mais maintenant, je pense que c'est un mal pour un bien, parce que la McLaren était un peu trop, peut-être encore un peu trop typée circuit rapide l'an dernier. Et elle devient un peu plus efficace, notamment sur les parties lentes, qui reste quand même leur domaine de faiblesse, qui reste encore à travailler. Et ça sera l'objet d'ailleurs des évolutions qui apparaîtront à Miami pour la MCL38. Donc voilà, une voiture plus équilibrée du coup en termes de performance entre rapide et lent. Donc du coup, voiture peut-être un peu moins pointue pour un genre de circuit comme Suzuka. Après, c'est pas catastrophique non plus. Hein. C'est vrai que l'année dernière, ça finissait à 20 secondes de Verstappen du côté de Norris. Bon, là c'est pas beaucoup moins bien. Mais ça, voilà, c'est quand même derrière Ferrari en rythme de course. Ça aurait, voilà, Norris a été par contre effectivement sur un tour cette fois, il aurait pu se satisfaire enfin d'avoir battu d'avoir fait un super tour qualif et d'avoir battu les Ferrari, voilà, donc parce que lui qui a l'habitude de se flageller à la moindre erreur en qualification, au moins cette fois-ci il a pu le faire, et voilà, donc ça reste une équipe extrêmement extrêmement solide qui avance de manière sereine malgré l'annonce avant le Grand Prix que voilà, bah, David Sanchez quitte déjà l'équipe. Maintenant, il vaut mieux effectivement une séparation à l'amiable rapide plutôt que de s'entêter dans un schéma qui ne fonctionnerait pour personne. Donc voilà, donc pour certains qui ont parlé d'un peu de déstabilisation, je pense pas, au contraire. Peut-être même qu'ils n'imaginaient pas Rob Marshall avant d'avoir signé David Sanchez. On n'a pas la chronologie des signatures, mais le fait que Rob Marshall, à mon avis, s'est certainement plus imposé que prévu dans la hiérarchie de McLaren a fait que David Sanchez est parti. Voilà, et puis Piastri, oui, effectivement, Piastri ben, commence un petit peu à accuser le coup hein, face à Norris quand même. C'est vrai que des fois, Norris, quand il a des coups de moins bien, Piastri est là et pas loin. Là, effectivement, quand Norris est solide du début à la fin d'un week-end, on sent quand même qu'il y a encore un gap de performance entre Norris et Piastri. Ça reste très solide. Piastri, il apprend toujours le métier. Hein. rappelons qu'il est là depuis peu de temps et qu'il est en train d'engranger un maximum d'expérience. Et voilà, son point faible, ça reste quand même encore la gestion des pneus en course. C'est un peu là-dessus qu'il a encore du travail à faire d'après ses patrons. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a aussi un peu plus de mal en course par rapport à la qualification, par rapport à son équipier. Mais voilà, il va falloir effectivement que McLaren l'aide un peu plus à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que le problème de Piastri, c'est qu'on a mis beaucoup d'attentes sur lui parce que c'est un parcours exceptionnel en formule de promotion. Et derrière, on se retrouve avec un pilote qui, non pas qu'il a du mal à confirmer parce qu'il fait des très très belles choses, mais il tombe sur un Norris qu'on a peut-être sous-estimé auparavant. Et on se retrouve avec un schéma qui est le même depuis le début de l'an dernier, c'est-à-dire Piastri qui est pas très loin en performance, mais qui est incapable de tenir le rythme sur la course parce qu'il dégrade ses pneus beaucoup plus que Norris, qui est très très bon dans ce. Sur ce point-là. Et au final, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de le voir quand même terminer assez loin de son équipier. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant et en même temps, bon, ça reste Suzuka et effectivement, la voiture n'est plus le même caractéristique que l'an dernier, donc peut-être que ça a joué aussi sur sa manière d'aborder les choses. Nutelica demande quid de la stratégie de Norris face à Russell. Alors, c'est vrai que Norris a surpris en s'arrêtant plus tôt. Et en fait, eux ont dit que c'était le meilleur moyen de résister à Leclerc. Alors c'est vrai que ça a paru bizarre, mais en fait McLaren a dit que c'était Leclerc qui était visé dans cette stratégie. Je sais pas si toi tu penses que c'était vraiment le cas ou si tu penses qu'ils sont juste ratés en priorisant sur Russell et du coup en se loupant face notamment à Sainz. Non, je vois pas de raison de remettre en cause leur parole et leur intention derrière. Après c'est vrai qu'il y avait un petit peu deux lièvres à la fois à courir. Mais je pense qu'effectivement la priorité pour eux c'était de cibler Ferrari, pas forcément Russell, donc non, pour moi leur explication elle tient la route en tout cas. Au bout d'un moment on peut malheureusement pas couvrir toutes les stratégies de tout le monde, et quand on a un peloton qui est un peu serré derrière, alors certes ça c'est un peu plus on va dire écroulé derrière, mais pour Mercedes c'était un peu moins bon, voilà, parce que avec leur relais erratique on sait jamais quand est-ce qu'ils sont bons, quand est-ce qu'ils sont pas bons. Donc, c'est un peu difficile aussi pour les autres de se calquer sur mais, Mercedes, mais parce eux non plus ne savent pas, hein, tu sais. Le problème de Mercedes c'est qu'en fait il faut plus essayer de se calquer sur eux, parce que tu sais jamais si d'un relais à un autre la voiture elle va être au top ou être une catastrophe. Donc c'est ça. Et on l'a encore vu d'ailleurs sur ce Grand Prix, on en parlera, hein. Encore d'un relais à l'autre, c'était pas la même chose, donc bon, bref. Non, c'est ça, c'est un peu compliqué, mais on y reviendra parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Non mais McLaren, effectivement, après moi je pense que la stratégie elle était pas mauvaise, elle était compliquée de toute façon. Se concentrer sur Russell, ça aurait été une connerie parce que Russell avait moins de rythme. Se concentrer sur Sainz, c'était l'assurance de perdre face à Leclerc. Se concentrer sur Leclerc, c'était donner l'impression qu'on faisait complètement n'importe quoi face à Sainz, mais je pense que McLaren a très vite compris que la troisième place en qualif était un peu un peu flatteuse, et que Sainz qui était juste derrière au départ allait de toute façon être devant le dimanche, donc effectivement ils ont tenté de prévoir le retour de Leclerc, ça n'a pas fonctionné. De toute façon voilà, hein, la hiérarchie là ce week-end en tout cas était très claire, parce que je pense que Piastri a été un peu en difficulté, mais je pense qu'il avait le potentiel de finir 6e au final, notamment sans quelques petites erreurs et sans quelques problèmes de réglage. Et c'est ce qu'ils ont dit dans leur débrief. Et c'est vrai qu'on avait vraiment clairement Red Bull, Ferrari, McLaren, quoi. C'était très net. Et je pense qu'il n'y a aucun scénario dans lequel Norris déjà ne terminait sur le podium. Et même, il y a peu de scénarios dans lesquels il arrivait à rester devant Leclerc. Donc je pense que c'est bien aussi. McLaren, ils apprennent un petit peu à ne pas trop en faire et à ne pas essayer de faire n'importe quelle stratégie pour gagner une place. Ils acceptent qu'ils sont 5e. Et je pense que c'est pas mal d'engranger. Et encore une fois, être 3e du championnat serait une bonne chose aussi si ils arrivent à rester à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier qu'eux aussi attendent énormément d'une prochaine évolution qui arrivera. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'ils l'amènent, si c'est pas Miami, je crois. Si, c'est peut-être Miami. McLaren ? Ouais. McLaren, c'est Miami. C'est Miami, hein, c'est ça. Donc peut-être que eux ils attendent de voir ce qu'ils feront à ce moment-là, parce que ça pourrait les rapprocher de Ferrari. Encore, ça dépend aussi des pas en avant que font les autres. Mais en attendant, ils se contentent d'engranger des points. Ils ont largement plus de points que les équipes derrière eux. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt rassurant pour eux. Et voilà, encore une fois, bon, c'est McLaren est une équipe en reconstruction et c'est déjà très bien de pointer en troisième force définitive, on va dire. Après, on verra comment ça évolue au fil de la saison. Rien à dire sur les transferts, on le disait, puisque donc on avait parlé de David Sanchez la semaine dernière au niveau des transferts techniques. Transfert pilote, il n'y en aura pas. On va pouvoir aborder une équipe qui a, se dit cinquième force, mais a terminé quatrième force techniquement, puisque Fernando Alonso, pour Aston Martin, a fini sixième du Grand Prix du Japon, après s'être qualifié cinquième. Lance Stroll a fini douzième, après s'être qualifié seizième, éliminé en Q1 de nouveau. L'équipe est cinquième du championnat à un seul point de Mercedes, par contre. Meilleure fiabilité que Mercedes, notamment en ce début de saison. Et puis, un Fernando Alonso qui est clairement devenu une assurance vie pour l'équipe, parce que la deuxième voiture n'est pas toujours là. Et on a probablement le plus gros écart. Alors, à la fois, c'est vrai qu'Alonso fait un de ses meilleurs week-ends. Lui, il a dit que c'était les cinq meilleurs week-ends de sa carrière. Et son meilleur week-end de la saison. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est son meilleur week-end de la saison. Il est vraiment très très bon. Il n'a pas les évolutions. Le vendredi, Lance Stroll les a. Elles sont installées sur sa voiture dans la nuit de vendredi à samedi. Et directement, il prend largement les devants face à un Lance Stroll qui, lui, se débat avec sa voiture, n'est pas content, râle. Et deux jours après, continue à cracher sur son équipe pendant que Alonso dit que il a fait au mieux et que de toute façon, c'était un des meilleurs week-ends de sa carrière. Et au final, l'addition est salée pour Lance Stroll. Oui, alors Stroll à Suzuka, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Hein. C'est vrai aussi. Donc, aussi nuancer le fait qu'effectivement, Stroll a comme été un peu plus proche d'Alonso sur les trois premières courses que sur celle-ci. Donc, Stroll et Suzuka, c'est comme certains avec Monaco, ça passe pas. Pourtant, Suzuka, c'est quand même un circuit de pilotage. Donc, ce serait quand même bien qu'un pilote qui a envie de se distinguer arrive à se distinguer sur un circuit comme Suzuka ou comme Spa. C'est quand même plus sympathique et flatteur à mettre sur le CV. Mais bon, c'est pas le cas de Lance Stroll qui. Il n'a pas l'air d'avoir le dernier niveau d'engagement nécessaire pour pouvoir péter un chrono, comme on dit, sur un circuit comme Suzuka. Donc en partant dernier, dans les dernières parties de la grille de départ, extrêmement compliqué de remonter quand en plus vous n'êtes pas vraiment hyper à l'aise avec votre voiture, que vous en profitez pour insulter votre voiture, vos ingénieurs et tout à la radio. C'est le fils du patron, mais bon, de là, il y a un article qu'on va sortir demain, je pense, que Manu va préparer sur le fait qu'il maintient que Aston Martin a fait les mauvais choix d'aileron, qu'effectivement sa vitesse de pointe était inadmissible, alors que Mike Rack s'est directement penché sur les données. Vous pensez bien que Laurence Rod a dû passer un petit coup de fil pendant le Grand Prix en demandant à Mike Rack de savoir pourquoi sa voiture était aussi lente dans la ligne droite. En fait, non, c'est simplement un. Là où, quand Lance Stroll se plaignait de sa vitesse de pointe, c'est parce qu'il avait des pneus qui étaient plus usés que les voitures qui étaient autour de lui. Et forcément, quand vous ressortez moins bien d'un virage parce que vous avez des pneus moins frais, vous avez une moins bonne vitesse de pointe derrière. Donc, Mike Rack a dit qu'il n'y avait strictement rien de ce côté-là en termes de problème de vitesse de pointe. Donc, c'est déjà un des points à mettre de côté. Mais bon, voilà, Stroll maintient qu'il a pas abordé ce week-end-là avec la meilleure configuration possible. Ma foi, c'est son avis. Après, sinon, que dire de Fernando Alonso encore au sommet de son art et de sa forme. Voilà, il a 42 ans, mais on voit pas pourquoi il prendrait sa retraite. Donc, ça donne pas envie qu'il parte. Hein, de toute façon, il fait des super courses, il anime le peloton. C'est ça. Il a toujours les petites déclarations, les petites choses qui vont bien effectivement par rapport à ses petits jeux sur le DRS et autres, voilà, dont il a encore usé en fin de course. Voilà. Donc non, c'est toujours c'est le vieux briscard qu'on aime voir en piste. Et tant qu'il anime le peloton et qu'il n'est pas là pour faire le nombre, moi, je suis ravi de le voir là et je souhaite qu'il puisse continuer à un bon niveau s'il le souhaite. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, pour rappel, les gens qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé, Alonso en fait était devant Piastri et Russell, savait que Piastri avait une très mauvaise vitesse de pointe avec sa McLaren et que Russell, lui, serait beaucoup plus une menace s'il était derrière lui, puisque la Mercedes est un peu meilleure en vitesse de pointe. Et du coup, il a fait ce que Sainz a fait l'an dernier à Singapour. Il a tenu Piastri dans sa zone DRS pour que Piastri puisse rester devant Russell, et en sachant très bien que même avec le DRS, la McLaren n'était pas une menace. Alors, ce qui est très drôle, parce que Lance Stroll a dit que lui, il était dépassé par d'autres voitures, justement, et que c'était quand même dans une autre catégorie. Donc on voit qu'il y avait quand même un problème manifestement de réglage, mais encore une fois, les réglages dépendent aussi du pilote, donc si la voiture était mal réglée, Stroll peut aussi s'en prendre à ses propres choses. Quoi. Le problème de réglage est entre le volant et le baquet, en fait, je pense que c'est... Ah, c'est ça, c'est l'interface. C'était ça qui allait... L'interface comme moche. C'est ça qui... C'est ça qui est dans une autre catégorie ce week-end, je crois. Ah ouais, non, mais c'est chaud. C'est vrai que bon, Suzuka, c'est triste parce que le problème, c'est quand t'as des grosses lacunes à Suzuka, c'est quand même un circuit qu'on dit de pilotage. Donc, c'est déjà pas très glorieux quand c'est chaque année. Et puis là, quand c'est des écarts aussi monstrueux que celui avec Alonso. Je crois qu'à Spa, il est pas terrible non plus, Stroll. Hein, donc, dès que ça commence à devoir. Il faut commencer à avoir de la confiance dans des virages extrêmement rapides et faire des enchaînements. Il galère un peu, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis, ouais, moi, tous les signes, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on parlait justement de Stroll, est-il inamovible ou non chez Aston Martin. Tant qu'il veut continuer, il a l'air d'être inamovible, mais il ne faut pas oublier que Lawrence Stroll n'est pas le seul décideur. Lawrence Stroll est à la tête d'un consortium, on l'avait déjà dit, de plusieurs hommes d'affaires qui ont investi avec lui dans Aston Martin, enfin d'abord dans Force India, puis dans Aston Martin pour en faire donc l'équipe et la marque. Et qui, ces gens-là, ont investi beaucoup, puisque le consortium a investi au total plus $1 milliard sur le projet d'usine, plus rachat de dettes, machin. On est même à 1,5 milliard, je crois. Et ces gens-là voient que le 1,5 milliard, il passe dans une équipe où un pilote marque 75% des points et un pilote marque 25% des points. Et même s'ils connaissent pas trop la F1 au départ, ils doivent bien se rendre compte que c'est pas normal et que quand t'as une voiture qui fait 5 le samedi et 6 le dimanche, c'est pas normal qu'il y en ait une qui fasse 16 le samedi et 12 le dimanche. Donc ces gens-là vont aussi avoir quelque chose à dire. Lawrence Stroll pourra pas défendre son fils éternellement. Encore une fois, moi je maintiens que la renaissance miraculeuse et totalement inattendue du projet WEC, qui était enterré depuis maintenant 4 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est enterré depuis début 2020, à l'époque où le Covid a commencé à arriver, que Stroll a racheté Aston Martin, il a dit moi je veux faire d'Aston Martin une équipe de F1. Et du coup, il a enterré le projet WEC en janvier 2020. Et 4 ans plus tard, le projet est ressorti nulle part, enfin 3 ans et demi, en disant l'an prochain, on est aux 24 heures du Mans. Et au final, c'est pas du tout un hasard. Et je pense que même si Stroll parvient à sauver sa place pour 2025, ce sera la dernière année où on le verra en F1. Et de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, Stroll doit pas non plus être très à l'aise avec son niveau. Et c'est vrai qu'il faisait un peu illusion face à Vettel qui était en fin de carrière, face à Perez qui n'était pas toujours au niveau. Mais quand en face, c'est un requin comme Alonso qui en plus sait être rapide et redoutable et n'a jamais vraiment de week-end où il est off. Enfin, il n'y a jamais vraiment de week-end où il n'est pas là en fait, où il est un peu en dedans. Du coup, l'addition est salée tous les week-ends. Et c'est encore le cas cette année. Et je pense que l'expérience Lance Stroll elle va s'arrêter. Parce que de toute façon, il faudra potentiellement mettre un autre pilote avec Alonso pour faire une transition de leader, on pense à Carlos Sainz, ou deux, récupérer un pilote japonais pour faire plaisir à Honda. Et là, évidemment, ça pourrait être Yuki Tsunoda, par exemple, qui, lui, est contrairement à Stroll, sur une pente ascendante. Donc voilà, mais moi, je pense que oui, dans Stroll, là, on arrive quand même au bout de ce qu'il a à montrer et de ce qu'il a à faire avec lui. Et que maintenant que l'équipe joue des bonnes places, puisqu'elle peut jouer le top 5, on l'a vu, ou top 6 en course, parce qu'ils disent qu'ils sont derrière Mercedes, mais le fait est qu'Alonso finit devant les deux Mercedes et se qualifie devant les deux Mercedes, donc c'est quand même que la voiture peut être devant Mercedes, et s'ils sont derrière, c'est à cause de Stroll. Donc comme l'an dernier déjà, Alonso avait très très clairement fait remarquer que lui était... attends, c'était quoi? C'était l'équipe était quatrième au championnat. Non, ils avaient fini cinquième, et lui était à peu près dans les mêmes places, alors que normalement, il aurait dû être plus loin dans le classement. Donc c'était... voilà, je pense que c'est un peu compliqué. Et ouais, je vois pas Stroll. Moi, je pense pas que Stroll puisse rester éternellement. Je sais que beaucoup de gens dans le chat ou même sur les réseaux sociaux parlent de Lance Stroll comme quelqu'un qui sera encore là à 40 ans dans l'équipe. Mais pour moi, c'est si c'est pas la dernière année, c'est l'avant-dernière, je pense. Ce qui pourrait sauver Lance Stroll, c'est que Fernando Alonso parte ailleurs ou prenne sa retraite, oui. En fait. C'est juste ça, effectivement, pour moi. Le gros problème de Lance Stroll, c'est Fernando Alonso. Si Alonso décide de s'en aller chez Mercedes ou chez Red Bull, hein, tout dépend effectivement ce qui va se passer avec Max Verstappen, Lance Stroll pourrait en fait essayer de rester là avec un autre équipier qui lui mettrait un peu moins la misère, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, effectivement, comme tu dis, effectivement, le projet WEC d'Aston Martin. Me semble à un moment ou un autre destiné pour lui parce que bah voilà, éternellement il pourra pas être le numéro 2 de l'équipe sachant qu'il est le fils du patron, Donc voilà, à moins qu'Aston Martin sorte une voiture absolument miraculeuse en 2026, qui défonce tout le monde, et on fait revenir Lance Stroll en catastrophe en tant que... Ce n'est pas possible, on a un moteur Honda qui sera certainement très très bon. Bah, c'est ça. Voilà, donc il doit aussi peut-être se dire un peu ça aussi. Donc est-ce qu'il peut encore essayer de tenir jusqu'en 2026 ça va être compliqué pour lui. Maintenant, ouais. Voilà, la clé, c'est clairement, c'est Fernando Alonso qui l'a. Donc... Retraite, on poursuit Aston ou on réussit à séduire bon, Mercedes. Je ne sais pas si Toto Wolff serait très. Il n'a jamais vraiment trop cité le nom d'Alonso ces derniers temps dans les médias, mais, oui. Mais c'est vrai que forcément, Fernando Alonso qui s'est un peu assagi, qui est en mode projet, en mode je fais avancer l'équipe, ça l'intéresse plus qu'un Fernando Alonso très politique qui cherche à détruire ses équipiers ou ses ingénieurs. Ça l'intéresse un petit peu plus certainement. Maintenant, voilà, je pense que si Fernando Alonso se retrouve à être propulsé chez Red Bull pour sa dernière année en Formule 1 en 2025, grâce à un départ de Max Verstappen, parce qu'on n'oublie pas que Fernando Alonso et Christian Horner discutent activement, on pourrait très bien imaginer un duo Alonso-Albon chez Red Bull en 2025. Et tu parlais d'un candidat au titre mondial pour Albon. Là, pour le coup, je mettrais quand même une pièce sur le vieux Briscard. Mais Oui, ah bah oui, non, si jamais Alonso-Albon, par contre, ce serait. Je mettrais pas mal. Ce serait un sacré duo. Voilà, donc là, on va pas relancer effectivement tous les scénarios possibles sur les transferts. On est déjà largement évoqué. Mais Alonso, clairement, attend un peu de savoir ce qui va se passer. Oui. Plutôt du côté Red Bull que je pense que du côté Mercedes, parce qu'il a quand même bien taclé Mercedes après la course hein, en disant que c'était pas une option très attrayante. ce qui a d'ailleurs fait dire à Mike Crack que Mercedes, que Aston Martin était plus attrayant que Mercedes. Donc. Mais on peut que lui donner raison, parce qu'au final, c'est des équipes qui sont au même niveau, mais la dynamique n'est pas du tout la même. Il y en a une qui est complètement paumée et un petit peu sur la comment dire, en perte de vitesse, et l'autre qui continue à progresser d'année en année avec un projet qui est ultra financé et ultra, avec une nouvelle usine et tout ça. Donc. Ça peut se comprendre. Je voulais répondre à la question du chat parce que j'ai vu comment se passe la communication entre Alonso et Lance niveau pilotage, réglage, etc. Alors, il faut savoir qu'Alonso est un ami de la famille Stroll depuis toujours, donc ça se passe très bien entre eux. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alonso est arrivé avec le rôle aussi de mentor, entre guillemets, pour Stroll. Donc, il y a vraiment zéro. Il n'y aura jamais de problème niveau communication entre les deux parce que de toute façon, Alonso s'entend très bien avec Stroll, père et fils. Je nuance quand même ton propos sur le fait que dernièrement, dans les déclarations d'Alonso, c'est un petit peu, il se sent quand même un petit peu seul hein, à porter cette équipe. Le moi-je, alors qu'habitude c'est quand même souvent le nous chez les pilotes. Là, c'est clairement le moi qui est mis en avant. Donc, quand même, manière d'insister sur le fait que Lance Stroll fait pas sa part du boulot. Voilà. À part ça, sinon, en termes de communication dans le garage, normalement, Alonso sait qu'il a pour mission de former Lance Stroll. Donc, et de lui passer toutes les combines possibles et imaginables. C'est ça. Et je voyais Eroter qui dit la plupart des pilotes de la grille mettraient la misère à Lance. Alors le problème de Stroll en fait, c'est que ça dépend quel jour tu le prends. Si tu le prends un jour de Grand Prix de Turquie 2020 ou de certains Grands Prix de 2022-2023 où il avait avec la lune, voilà, avec c'est ça. 300 ou 3 quarts. Si tu le prends à Jeddah 2020, enfin un peu Jeddah 2023, il était pas mal du tout, des choses comme ça. Il est très bon, mais si tu le prends sur un Suzuka 2024, effectivement, je vois pas grand monde qui serait pas devant lui avec la même voiture. Donc c'est le problème. Et moi, je trouve que le problème, c'est justement que il a de plus en plus de jours comme de week-ends comme Suzuka 2024 et de moins en moins de week-ends comme ceux qui l'ont pour lesquels il a gagné un petit peu ses galons en Formule 1. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui. Moi, pour moi, alors, je reste quand même convaincu que Aston Martin. A le potentiel pour être la quatrième force à la fin de la saison et qu'elle finir qu'elle devant Mercedes au classement. Ce sera compliqué parce que c'est une voiture contre deux, mais eux savent où ils vont sur les évolutions et on l'a vu ce week-end, le package était plutôt bon. Ils ont d'ailleurs fait la comparaison vendredi et l'ont mis sur la voiture d'Alonso le samedi. Donc c'est ça, Alonso est un bataille, Stroll est un bataille, lui l'a dit au vendredi, ouais, c'est un peu ça. Et encore le vendredi, ça dépend. Mais voilà, donc. Voilà pour Aston Martin. Alonso a compris qu'il n'a rien qui l'attend après Aston. Clairement, c'est un coup de poker pour avoir un top team. Ouais. Et s'il ne l'a pas, effectivement, ça sera certainement une décision entre poursuivre avec Aston. Sachant qu'en 2025, ce ne sera forcément pas beaucoup mieux qu'en 2024, puisqu'on sera comme sur une année qui sera plus ou moins d'évolution par rapport à cette année. Oui. Et est-ce qu'il aura envie d'attendre 2026 C'est un peu. Ça plutôt là qu'il va décider. Donc en fait, je pense que. ce qu'il va le motiver lui, et ce que laisse transparaître Mike Rack dans ses déclarations, et ce que laisse transparaître aussi Fernando Alonso dans ses déclarations, c'est comment Aston Martin va réussir à aborder la course au développement. Là où Aston Martin s'est un peu viandé l'an dernier en milieu de saison. Si là, effectivement, il voit qu'en termes de course au développement, ça repart du bon pied, que ça avance vraiment et tout, peut-être qu'il aura la confiance dans le projet en disant « Ok, 2026, ça peut jouer, donc je tente encore deux ans. » Maintenant, s'il voit qu'effectivement, en termes de course au développement, ils se font larguer par Ferrari, McLaren et Mercedes et qu'ils se retrouvent nous au cinquième, je pense qu'il arrêtera les frais là, quoi. Mais c'est pour ça qu'il parle de l'été, lui, en termes de décision. Si ça doit rester figé en termes de position chez Red Bull. Et s'il n'a pas sa place chez Mercedes aussi, évidemment. Et d'un temps, tu dis, il n'y a qu'un top team de peut-être dispo. Après, ça dépend si tu considères Mercedes comme un top team. Mais du coup, il y a quand même deux équipes de pointe qui peuvent le vouloir. Donc après, effectivement, top team, si tu considères que c'est Red Bull et Ferrari, il n'y a qu'une équipe qui... Alpine est censé être un top team encore, hein. Ça a pas assez dégringolé pendant longtemps. J'hésitais à laisser un très long silence, mais j'ai pas envie que les gens du podcast s'ennuient en faisant une tête un peu sceptique. Mais non, mais oui, bon, Alpine, bah, c'est tellement un top team qu'on en parlera dans approximativement une demi-heure. Team constructeur, on va dire. Voilà. C'est ça. Colonel Jonas Alonso dans le projet WEC Aston Martin, peut-être oui, Alonso au retour au Mans pour en gagner une ou deux de plus s'il peut, peut-être bien. Et après, il l'avait pas écarté d'ailleurs, hein. Non, complètement pas. Et d'ailleurs, peut-être que Lance Stroll gagnera les 24 heures du Mans. Faut pas oublier que Antonio Giovinazzi les a gagnés, Nico Hülkenberg aussi. Donc, dans la liste des pilotes qui n'ont pas totalement réussi en F1 mais qui fonctionnent très bien ailleurs, Stroll pourrait aussi se mettre dedans. Et évidemment, Alonso, je pense que. S'il part pas de Aston Martin, en fait, je pense que ça va dépendre de comment ça se termine. S'il fait Aston Martin puis la retraite, il ira en WEC avec eux. S'il part d'ici là chez Red Bull ou chez Mercedes, non, je pense que ce sera entre guillemets fini. Mais oui, bah, Alonso et Stroll dans le même équipage, ça c'est pas impossible. Oui, et au niveau de l'endurance, c'est tout à fait concevable, en fait. Là, les niveaux de performance, c'est pas ce qu'on demande. Voilà, à part la pole des 24 heures du Mans qui est super importante et la pole sur les 6 heures ou les 8 heures de X ou Y. Voilà, mais là, vous, en général, vous avez un pilote dédié pour ça et vous prenez le plus rapide. Le reste, c'est juste une question de régularité, de constance qui est demandée. Ce qui d'ailleurs était, je glisse en passage, un petit défaut de Sébastien Vettel lors de son test avec Porsche. Ce qui pourrait l'écarter du trio qui sera sélectionné sur la dernière voiture Porsche pour le Mans, c'est qu'effectivement, en termes de régularité, Vettel, c'était apparemment pas tout à fait ça lors de son double relais à Aragon. Je pense que ça passera par un autre test minimum, oui. C'est ça. Après, effectivement, le niveau en WEC est beaucoup moins exigeant. Et chez Alpine, j'ai eu des informations via des ingénieurs, enfin un ingénieur en particulier, qui me disait que justement, quand Mick Schumacher est arrivé, ils ont vu la différence de préparation et de niveau aussi, parce que... lui vient de la F1 et qu'en fait, là où en F1 c'était un pilote qui était plutôt dans le peloton, dans un équipage de WEC, c'est un mec qui est ultra préparé, ultra. Et qui est à l'aise avec notamment ce qui est le défi physique qui est le WEC, malgré les heures passées dans la voiture. Voilà, c'est des pilotes qui pourront toujours s'adapter au WEC, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et le jongleur qui demande Alonso Vettel chez Mercedes. Ah, à la place de Wolf. Alors ça, je pense pas, par contre. Mais moi, Vettel, j'ai pas envie de le revoir au volant d'une F1. J'ai peur que ce soit vraiment le non, carnage. Je pense qu'il suggérait plutôt que Vettel pourrait prendre la direction de Mercedes F1. Le jour où Toto Wolf laissera la barre de l'équipe, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait arrivé, mais... On va en parler un petit peu, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'il y pense un peu. Oui, et d'ailleurs, je propose que nous passions justement à Mercedes, puisque ils ont fini 7 et 9, ils se sont qualifiés 9 et 7, si on prend les pilotes dans le monde. Donc c'était Hamilton qualifié 7, Russell qualifié 9, ils ont fini dans l'ordre inverse. L'équipe est toujours 4e du championnat, elle est nettement détachée de McLaren, elle est un point devant Aston Martin. C'est vrai que bon, bah là, encore une fois, alors moi j'ai envie de prendre un petit peu la parole rapidement parce que je n'en peux plus des déclarations de Toto Wolff. Je suis au bout du rouleau, on est qu'au bout de 4 courses. Et vraiment, les déclarations de Toto Wolff qui nous dit qu'en gros, la voiture est exceptionnelle, mais qu'il y a un tiers de la course où elle ne fonctionne pas, je n'en peux plus. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on soit à ce point-là entre le déni et la méthode couée. Chez Toto Wolff, mais vraiment le cocktail est imbuvable parce que ces déclarations où il dit en gros la voiture est vraiment très très bonne, c'est ce qu'on a eu de meilleur depuis 2021, mais dans le premier relais elle fonctionne pas. Bah en fait, si elle fonctionne pas pendant un tiers de ta course, c'est que la voiture elle est pas bonne. Je veux dire, une voiture qui est très bonne, c'est la Red Bull ou la Ferrari, elle fonctionne du tour 1 au tour 53 et à des niveaux constants. Donc Voilà, je pense que c'est. Enfin, après, je sais pas ce que t'en penses toi, mais à mon avis, c'est. Ouais. Bon, pour moi, enfin, il y a un gros défaut de communication au-delà de la voiture qui pose problème aussi. À force effectivement de justifier par de telles déclarations le fait qu'il a bah voilà qu'il a encore toute sa place en fait en tant que leader de cette équipe hein, c'est ce n'est que ça. Maintenant je comprends qu'il soit perdu. Vous avez effectivement des relais où la voiture fonctionne très bien, des relais où la voiture ne fonctionne pas du tout. Donc voilà c'est clairement une histoire de charge aérodynamique qui ne transparaît pas entre la soufflerie et la piste. Voilà, on parle quand même de plusieurs dizaines de points d'appui. Lui il évoquait le chiffre de 70 points d'appui, ce qui représenterait quand même quasiment une bonne seconde au tour. En gros il y a une seconde au tour qui disparaît comme ça. On ne sait pas pourquoi, quand. elle s'évapore cette seconde au tour et voilà, et c'est quand même extrêmement mystérieux comme une équipe comme Mercedes qui a quand même beaucoup d'ingénieurs talentueux et de pointe. Je pense quand même en premier lieu à James Allison quand même qui est quand même là depuis un bon bout de temps, qui n'arrive pas à expliquer cette perte de points. Et c'est même pas James Allison qui se charge de la communication à ce niveau-là, c'est Toto Wolff quoi. Toto Wolff c'est pas le technicien, Toto Wolff c'est le manager, c'est l'homme de finance, c'est le marketeur, c'est le stratège, ce que vous voulez en termes d'équipe, mais c'est pas le c'est, voilà, c'est pas lui qui doit porter le discours technique. Et au bout d'un moment, je pense qu'il devrait arrêter de parler technique. Pour ça, en général, les débriefs de Mercedes après course sont beaucoup mieux faits. Et ce toujours, en fait, ce qu'on a dit avec Manu, c'est que il y a un discours de communication dans les communiqués de presse, voilà, c'est la méthode Coué, ça ira mieux et tout ça. Mais après, dès que après les micros s'enclenchent, le discours est déjà quand même un peu plus pessimiste. Puis pareil, Toto Wolff, c'est presque comme Lance Stroll, quoi. Ça dépend du jour, de l'heure, de la position de la lune, des marées. Des fois, c'est oui, on va y arriver, on a compris la voiture et tout. Voilà, il faut juste qu'on travaille dans cette direction. Et le lendemain, c'est bon, on passe en mode test à tous les grands prix, on passe en mode test en live à toutes les séances d'essai, et on sait plus où on va, quoi. En gros, voilà, ils sont complètement paumés, encore une fois. C'est assez fou. Et effectivement, la voiture, c'est le pire début de saison de Mercedes, comme depuis un bon bout de temps. C'est le pire début de saison de l'histoire de la carrière de Lewis Hamilton. C'est quoi? C'est 34 points marqués, je crois, actuellement. Oui, c'est même moins, non? je crois que c'était 34, il me semble. Mais bon, voilà, c'est pas grand-chose. J'ai vu, effectivement, voilà, c'est très très loin des débuts de 2020 et 2021 où on était à 140, 100, je crois que c'était beaucoup plus que ça. Donc, ouais, c'est ça, 34 points pour Mercedes. Et 33 pour Aston. 33 pour Aston qui reprend du. Bon, alors certes, Mercedes, il y a eu un double abandon. Mais voilà, à ce rythme-là, ça finira jamais troisième, en tout cas. Non, bah non, ils ont déjà 35 points de retard sur McLaren. Et ça risque même de finir cinquième. Donc, ouais. Et là, c'est. On peut encore dire. Et tout le monde, effectivement, dit. Pareil, je retiens aussi Lewis Hamilton qui est aussi un petit peu marre, c'est que la question lui a été posée dans la conférence de presse. Pas la conférence de presse devant les caméras, parce qu'il y a toujours deux conférences de presse hein, pour les pilotes. Il y a la conférence de presse des trois premiers, vous avez la conférence devant les micros, celle que vous connaissez, par exemple, si vous suivez Canal Plus ou autre chose. Après, c'est les tables rondes, presse écrite en général, plus tard avant de quitter le circuit. Et à cette table ronde-là, il y a un journaliste néerlandais qui lui a posé la question. Et du coup, est-ce que ça vous rassure de voir que Ferrari a un bon niveau vu votre transfert l'année prochaine? La conférence de presse avait commencé depuis 2 minutes. La question avait été posée depuis 26 secondes. Il a pris le micro, il a dit enfin, voilà, vous n'avez pas des questions plus intelligentes à me poser. Il est parti. La conférence de presse donc, de Lewis Hamilton a duré, je crois, le temps d'une question à peine. Il n'a pas voulu en dire plus pour vous dire l'état d'agacement. Ouais. Voilà. Donc, c'est clair que ce n'est pas non plus en allant titiller Lewis Hamilton sur le fait qu'il a signé chez Ferrari, qu'il doit trouver ça quand même bien mieux. Oui, évidemment, il n'est pas aveugle, il est comme vous, il regarde très certainement ce que fait Ferrari, il doit se réjouir intérieurement qu'en 2025, ça ira certainement mieux qu'en 2024, mais il n'est pas là pour ça. Il a dit, il a une saison à passer, il ne va pas passer une saison à regarder les performances de Ferrari et lui se tourner les pouces chez Mercedes. Il a envie de rouler pour avoir des résultats. Donc, ce genre de questions débiles, il faut arrêter. Comme tu dis, comme les commentaires un peu débiles de Toto Wolff aussi. Qui alterne entre optimisme sorti d'onde ses ou et pessimisme à se flageller des fois. voilà, c'est une équipe qui est paumée, complètement paumée, qui semble quand même un peu partie comme sur une meilleure base quand même. Hein. Je pense que quand même la double 15 est quand même une meilleure base. Alors, pas en termes de performance et de résultats pour l'instant. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, le problème, moi, c'est que la meilleure base, on peut que se fier à ce qu'ils disent. Alors, c'est peut-être une meilleure base, mais on n'en voit pas, on n'en voit pas de bribes de ça. Parce que l'an dernier, au moins, la base n'était pas bonne. Ils disaient que la voiture était mauvaise, mais ça fait des podiums, ça fait des premières lignes. C'est et ça. Là, ça fait rien. Ça fait du top 5 quand ça a de la chance. Quoi. Elle est plus saine, entre guillemets, ouais. Encore plus tout le temps. Mais pas performante. Après, derrière, comme Ferrari qui a vachement haussé son niveau de jeu, Ferrari, quand même, qui, on rappelle, avait pas passé loin de finir deuxième l'an dernier. Parce qu'ils ont fini juste derrière Mercedes, quand même, avec ce qu'ils ont rattrapé. Et McLaren, qui a maintenu son bon niveau de fin 2023. Donc, du coup, ça fait que Mercedes, certes, est peut-être un peu plus facile à conduire, et encore pas tout le temps, parce que des fois, ils sont paumés aussi, les deux pilotes, ils savent pas ce qui leur arrive. D'une séance à l'autre, on passe premier, deuxième, des fois, en essai libre à septième ou huitième. Et ils sont paumés. Hamilton qui avait la meilleure séance, je crois que c'est quoi, c'est la meilleure séance de son début de... Voilà, ça, meilleur vendredi quasiment, enfin, mais c'est ça. Voilà, meilleur vendredi, et au final on fait P9 en course, quoi. Donc voilà, c'est... Je pense que j'en veux Hamilton, parce que je pense qu'il se raccroche à ce qu'il a, mais tous les vendredis nous fait le coup, genre cette fois ça va mieux et tout, et à chaque fois c'est catastrophique le samedi. Et je suis un peu triste pour lui qui tombe dans ce piège à chaque fois en se disant allez ce coup-ci c'est bon. Alors peut-être que ça l'aide à rester motivé, mais c'est vrai que chaque vendredi il est confiant et chaque samedi c'est la douche froide, quoi. Alors là, il se qualifie pour la première fois devant Russell cette année, mais c'est compliqué. C'est vrai qu'au final, Mercedes ne fait pas ce qu'il faut pour... Enfin, pour moi, c'est cinquième force du plateau. Ils ont de la chance d'avoir le duo de pilotes qu'ils ont, parce que faut pas oublier qu'ils ont Russell et Hamilton, qui sont quand même deux monstres. Puisque encore une fois, si Russell est au niveau d'Hamilton, c'est parce qu'il a le niveau d'être au niveau d'un mec qui a 7 titres mondiaux. Et je pense que là aujourd'hui, ils ont des pilotes qui boxent au-dessus de la catégorie dans laquelle se trouve l'équipe. Donc tant mieux pour eux, ils ont un nom. Tant mieux pour eux, ils ont une puissance industrielle, ils ont un passé, qui pourrait leur permettre aussi d'avoir Verstappen et tout, mais il faut bien se rendre compte que Mercedes est en dessous du niveau des attentes que leur pilote pourrait avoir. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Hamilton a pris la décision de partir si vers aussi. On peut parler de questions stupides aussi dans le chat. Il y a aussi la question stupide qui revient tout le temps pour Frédéric Vasseur. Enfin, il y en a même deux. C'est pourquoi avoir choisi, pourquoi avoir écarté Sainz, du coup, maintenant, quand on voit le niveau de performance d'Hamilton et le niveau de performance de Sainz. Ou même Sainz par rapport à Leclerc, puisque Sainz est en train de s'imposer. Donc voilà, c'est typiquement le genre de question auquel Fred Vasseur a aussi botté en touche direct. Mais oui. Il a dit maintenant, je ne veux plus de ce genre de questions suivantes. Donc voilà, faut arrêter les questions stupides. Je sais pas on sait quel est le journaliste néerlandais qui a posé la question. On va pas le dénoncer ici, mais effectivement, aller titiller sur des. Après un mauvais résultat sur ce genre de questions, c'est pas malin, c'est clair. C'est pas malin, puis évidemment, enfin ouais, encore une fois, comme tu disais, évidemment qu'il voit ce qui se passe chez Ferrari, mais il va pas passer 20 courses à se morfondre en regardant ce qu'ils font les autres. C'est un pilote de course, lui, il veut faire des résultats, et en fait, je pense que ces gens-là sont tellement capables de compartimenter, c'est même dommage qu'un journaliste comme ça ne puisse pas comprendre qu'un pilote de F1 est capable de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs, parce que les pilotes de F1 sont très très bons pour compartimenter, se concentrer de manière totalement exclusive sur un truc, et bien sûr qu'Hamilton, oui, il sait qu'aujourd'hui il est dans une moins bonne situation que sa future équipe, mais bah tant pis, c'est comme ça, quoi. Il doit faire sa saison, il est là pour ça, il est grassement payé pour le faire en plus. Il a envie de laisser Mercedes dans une bonne situation en partant. Du coup, il y a zéro raison de se morfondre ou de regarder ailleurs, quoi. C'est ça. Et il ne fait pas de sandbagging, hein, pour ceux qui pourraient se poser la question. C'est pas trop le genre. Bon, Mercedes, après, du coup, on en a un petit peu parlé au niveau transfert déjà, forcément, puisque ça rejoint le dossier Verstappen, donc c'est vrai que eux, c'est... Attente. Voilà, pour l'instant, c'est de l'attente, c'est essayer de négocier l'arrivée de Verstappen, si c'est pas Verstappen, essayer de négocier l'arrivée d'Alonso, puisque c'est quand même une des cibles prioritaires de Wolff. Dans l'ordre, on a Verstappen, Alonso, Sainz et Antonelli. Moi, encore une fois, Antonelli... Je pense que c'est vraiment très tôt pour le mettre à ce niveau-là, ou alors Mercedes admet qu'ils sont plus un top team, parce que... Ils ont accéléré comme leur programme de... Alors, ils ne vont pas vraiment accélérer leur programme de test, il est déjà prévu comme ça. Ils ont accru le nombre de jours, surtout, qu'ils devaient faire. Ils l'ont intensifié. Donc, je pense que c'est certainement aussi pour avoir une réponse plus rapidement possible sur le niveau d'Antonelli. Après, il faut aussi qu'il ait sa super licence. pas l'oublier non plus. C'est pas parce que vous lui faites faire beaucoup d'essais en F1 qu'il aura forcément super licence derrière. Je sais pas à quel niveau il en est en termes de points, mais bah, ça se passe pas trop mal. Mais bon, il fait des erreurs et tout, et surtout le problème c'est qu'il vient de l'Africa, donc avant ça il avait pas énormément de points super licence quoi. Alors maintenant ils disent peut-être que foutu pour foutu, si 2025 est foutu, que ça intéresse pas Alonso de venir et que Verstappen ne vient pas, pourquoi ne pas profiter de 2025 pour former Antonelli si jamais il fait quand même une bonne saison de F2. Le problème, c'est que Mercedes, ils vont avoir... Alors, Sainz, on parle de Sainz, le problème de Sainz, c'est qu'il va devoir vite se décider. En fait, c'est ce qu'il laisse entendre, donc je pense que Sainz va du coup devoir faire une croix sur l'opportunité Mercedes pour aller chez Audi. Ouais. Si on comprend bien comme ça. Ou alors, Wolff va faire une raison et signer Sainz parce qu'il dit que Verstappen, c'est pas possible. Mais je pense vraiment que Wolff va attendre au dernier moment, parce que Wolff, il a quand même pas mal d'options derrière, donc... Oui. Donc il n'a pas de raison, voilà, il aura aussi Esteban Ocon derrière, au pire, enfin voilà, c'est comme je disais, c'est le plan B. Voilà, je pense que Wolff, il n'a aucun intérêt à se priver de l'opportunité d'avoir Verstappen si jamais ça éclate Thierry de Boulle. Donc pour moi, je ne la vois pas signer qui que ce soit avant que cette histoire ne soit pas réglée. Et à mon avis, ça se réglera soit par le départ de Marco, soit par un procès en justice contre Horner de la part de l'employé. Il y aura rien avant ces deux phénomènes-là. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui bouge, sauf si effectivement le Thaïlandais il annonce que ça y est, c'est la restructuration, c'est ci, c'est ça, et à ce moment-là, bon, je pense que derrière ça va vite enquiller. Voilà, c'est un peu les trois paramètres qui vont faire que ça va bouger ou non chez Red Bull. Donc voilà, donc Sainz chez Mercedes, malheureusement non. Donc Mercedes, oui, effectivement, c'est foutu pour foutu, 2025 sera foutu à mon avis. Je pense. Et peut-être pourquoi pas du coup former un jeune pilote derrière. Donc c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Mais quand ça vient de la même équipe qui a mis 3 ans à remplacer Bottas par Russell, ça me laisse quand même un peu perplexe, même si les enjeux n'étaient pas les mêmes à l'époque. En fait, c'est ça le truc. C'est ça. Mais bon. En tout cas, l'équipe suivante dont on va parler, c'est RBF1. Alors Visa Cash App RB ou comme vous voulez Racing Bulls, mais voilà qui a marqué un point de nouveau avec un Yuki Tsunoda de gala, vraiment. Moi, je tenais à saluer le week-end de Yuki Tsunoda qui fait encore une Q3, qui fait des points, qui à la radio se montre un vrai leader en motivant ses troupes, en les remerciant, je trouve transfiguré Yuki Tsunoda depuis Bahreïn où il y a eu le problème avec Ricciardo. Alors, Ricciardo lui abandonne, qualifié 11e là où Tsunoda était qualifié 10e, et c'est vrai que depuis Bahreïn, en fait, où il y avait eu des grosses tensions entre les deux et où l'équipe avait privilégié la stratégie de Ricciardo, Tsunoda ne s'est pas laissé abattre et exécute par contre Ricciardo chaque week-end. Là, c'est en qualif, c'était 55e. J'allais dire en qualif, c'était très short et Ricciardo n'avait pas fait les EL1. Donc très bonne qualif de Ricciardo, mais Ricciardo prend son départ un petit peu comme s'il était tout seul en piste et s'accroche avec Albon. Et donc Tsunoda, lui, j'ai fait une course très très bonne, un excellent arrêt qui lui fait gagner 2 places en course. Et après, il prend le large par rapport au groupe dans lequel il ressort des stands et il finit 10e. Donc, très très bon week-end de Tsunoda. Et globalement, l'équipe, du coup, conforte sa 6e place au championnat avec un point de plus. Mais on sait que chaque point est crucial quand il y a 5 équipes qui les monopolisent. Et là, en plus, c'est même pas grâce à un abandon d'un pilote du top 5, puisque le Stroll était encore en course. Ah bon ? Certes. Ah oui, je l'apprends peut-être. Ah merde ! Et effectivement, bah, oui, super week-end de Tsunoda. Je crois que c'est la première fois en 12 ans qu'un pilote japonais marque au Grand Prix du Japon. Je crois que il y avait 12 ans de disette, je crois. Oui, c'était le podium de Kobayashi le dernier. C'est ça, donc voilà. Donc voilà, et puis bah, forcément, devant le public japonais qui est vraiment un très très grand fan de F1 et tout, c'était super pour eux parce que même si ce n'est qu'un point, ces points-là ils valent de l'or. C'est le point ou les points quand il y a plusieurs abandons devant, ou plus, ces points. C'est le meilleur des autres, quoi. Il y a clairement 5 équipes devant, 5 équipes derrière. Et voilà, et super week-end. Bon, voilà, effectivement, Ricciardo, tu l'as souligné, effectivement, pas de L1 le vendredi, donc week-end un peu raccourci. Et malgré cela, 55 millième en qualif seulement. Après, bon, incident de course au départ pour Ricciardo. Alors, c'est vrai que les deux points de vue se défendaient, effectivement. C'est quand même assez rare de voir glisser une F1 comme Albon a tenté de le faire à cet endroit-là, sur ce virage-là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, là, puisque vous êtes vraiment par l'extérieur, et là, il n'y a rien à gagner normalement. Donc, effectivement, ne pas s'attendre à ce qu'il y ait une voiture là, c'est peut-être logique, mais ce n'est pas ce que doit faire un pilote. Un pilote doit tout surveiller. Bon, voilà, ça a été classé de façon incident de course, donc, ouais. comme on l'avait présupposé assez rapidement. Donc voilà, Lucien a oublié pour Richardo. Alors après, c'est toujours pareil. C'est... L'équipe marque le seul point qui était disponible. Donc bah, tant mieux pour elle. Le fait qu'il y ait qu'une seule voiture ou deux voitures en course, pour... finalement, ça n'a rien changé pour RBF1. Puisque de toute façon, il n'y avait qu'un seul point à reprendre à l'arrivée. Et ils l'ont pris. Donc voilà, bah, bravo à eux. Et puis effectivement, bah, Tsunoda, bah, sa cote monte beaucoup. Et elle pose quand même, je pense, beaucoup de questions. Alors dans un scénario où Red Bull reste dans la configuration Helmut Marko, Christian Horner et compagnie, bien Tsunoda ça reste un point d'interrogation pour une promotion chez Red Bull possible en 2025. Maintenant on n'oublie pas que Tsunoda est quand même très très lié à Honda et que tout le monde voit quand même Tsunoda partir à un moment ou à un autre chez Aston Martin Honda. Ouais. Donc pourquoi le garder encore en plus une année de plus en 2025 chez RBF1? Une équipe qui serait en plus potentiellement à vendre, comme on voit. Voilà, si les Thaïlandais n'en veulent plus, veulent récupérer un milliard là-dessus, bah vous pouvez dire adieu à la filière jeune de Red Bull aussi derrière, vous pouvez dire adieu à beaucoup de choses. Quand on vous dit que les scénarios des transferts sont extrêmement complexes, cette année, je crois que c'est encore plus complexe que ça n'a jamais été. Parce que moi, ça fait 27 ans que je couvre la Formule 1, j'ai jamais vu des scénarios aussi complexes que ça se dérouler, quoi. Donc, ouais. Voilà, mais en tout cas, Tsunoda marque des points auprès de d'Helmut Marko et de Christian Horner aussi, même si Horner en parle un peu moins. Mmh. Ça, si c'est vraiment à s'agir en termes de communication, la radio, si effectivement après en termes de technique, bah, il réussit à prendre le bon de Daniel Ricciardo, parce qu'il y a encore du bon Daniel Ricciardo, même s'il y en a beaucoup qui commencent à le crucifier, à lui demander à ce qu'il soit vraiment très très vite remplacé par Liam Lawson. Voilà, s'il arrive à prendre ces deux aspects-là, oui, il peut envisager peut-être pas un Red Bull, mais peut-être effectivement Aston Martin Honda en 2026. Mmh. C'est possible. Alors moi, c'est vrai que je fais partie des gens qui pensent qu'au bout d'un moment, il faut arrêter l'expérience oui. Ricciardo et passer à Lawson, parce que Ricciardo a eu combien de deuxième chances dans sa carrière, en fait? Au bout d'un moment, c'est ça le truc, tu vois. Et je pense que là, c'est voilà, il est revenu l'an dernier, il a fait une fin de saison pas trop mauvaise avec une voiture qu'il connaissait pas. Mais là, cette année, il est battu par Tsunoda très clairement, qu'il avait déjà très clairement battu quand il s'était affronté l'an dernier quand même. Et au final, Lawson a prouvé qu'il était capable de pas faire d'erreur, a prouvé qu'il était capable de se mettre dans le rythme, de jauger ses attentes, de s'habituer, de s'adapter rapidement. Il a Foubobi qui marque des points à Singapour, il commence à Zandvoort où c'est le déluge absolu. Enfin, il fait vraiment des super week-ends. Et qu'est-ce qu'on attend pour titulariser un pilote comme ça? Au bout d'un moment, moi, les équipes qui misent sur des mecs qui ont 35 ans ou 33 ans et qui sont en bout de course, alors qu'il y a des pilotes qui ont 20 ans ou 23 ans et qui sont des vrais très bons pilotes. On l'a vu avec Berman. Si Berman est capable de faire le week-end qu'il fait chez Ferrari, il y a un paquet de pilotes. Il y a plusieurs pilotes qui sont capables de faire des très bonnes choses en étant mis dans un paquet. Et j'ai la réponse. Hein, attends. Je te laisse finir, mais j'ai la réponse toute faite à ta question. Pourquoi? Vas-y. Bah, tout simplement parce que c'est Horner et les Thaïlandais qui tirent la ronde, que Horner est un grand fan de Ricciardo, et que même si tout Helmut Marko qu'il est, il dit que avant même le début de la saison, que Liam Lawson ferait quelques grands prix cette saison, il avait quand même annoncé ça, hein, je vous rappelle, pendant l'intersaison, alors que on avait quand même Ricciardo et Tsunoda qui étaient annoncés, que Lawson ferait des grands prix. Bah, tant que Horner est plus ou moins maître à bord, on va dire, en ce moment, Ricciardo va rester. C'est un peu ça le problème, quoi. Mmh. Je sens que Marko trépigne d'envie, tout ce que tu veux, de d'évincer Ricciardo et de mettre Lawson à la place. Mais j'ai vraiment l'impression que ce n'est, enfin voilà, c'est plus du tout lui qui a la main sur les transferts des pilotes en ce moment. Donc moi, la question elle est vite répondue, comme on dit. Hein. C'est tant que Horner malheureusement est malheureusement, voilà, je suis pas juge de voilà. Tant qu'il n'y a pas de vrai procès, moi, je pense qu'à un moment il faudra un procès avec des vraies choses. Pour l'instant, il est présumé innocent, mais tant que Horner a la main sur tout ça, Ricciardo garde un peu son protecteur, on va dire. Donc le voir dégager après Miami, ouais, bah, faudrait que tout se résolve d'ici là, quoi. Mais encore, si ça se résout dans le sens Marko dégage et Horner prend les commandes, je suis pas certain que Lawson ait sa chance. Hein. Ce qui est fou, mais bon, après ils avaient quand même dit qu'en 2025, quoi qu'il arrive, il l'aurait, et je pense que pour moi il l'aura l'an prochain, mais c'est très loin déjà, et c'est injuste parce qu'il a fait sa pige était excellente, et Ricciardo n'est pas du tout dans le coup, ou pas assez dans le coup par rapport à, encore une fois, on parle d'un pilote qui est là depuis 2011 quand même en Formule 1. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui est capable de, normalement, de rentrer dans une voiture et de tout de suite se mettre au niveau de son équipier. Surtout que Tsunoda n'est pas non plus un top pilote au sens champion du monde potentiel, en tout cas pour l'instant. Et Ricciardo ne suit pas le rythme. Donc déjà, mais Ricciardo, c'est un homme sandwich, c'est un homme marketing, c'est un homme de Red Bull. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder toutes les opérations de pré-événements de chaque Grand Prix. Ricciardo est avec les pilotes Red Bull sur les événements. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été repris par Red Bull au départ comme homme sandwich pour faire pour faire la présentation de la nouvelle voiture. Mais bon, le jongleur qui demande, que pensez-vous de Mekies ? Il est là pour virer Ricciardo. Mais Mekies, il n'a pas vraiment de poids là-dessus. Alors il peut faire lui après ses retours en disant Ricciardo n'est pas au niveau, etc. Mais à la fin, la décision ne lui revient pas. Et Bayer, c'est pareil, hein, parce qu'il y a deux têtes pensantes et deux personnes puissantes chez RBF1, mais c'est pas eux qui décident. Comme Tost à l'époque non plus. Encore que Tost, il a peut-être une voix un peu plus forte. Et encore. Oui, parce qu'il a quand même défendu Tsunoda, et à juste titre du coup. Mais c'est vrai que moi je suis quand même surpris, parce qu'on dit, on a toujours loué la filière Red Bull qui déniche des talents et tout ça. J'ai déjà toujours été un petit peu sceptique sur leur manière de faire au niveau du broyage de pilotes, mais bon, pourquoi pas avec l'argent qu'ils dépensaient dedans. Mais surtout là, ça fait quand même deux saisons de suite où on a une vraie erreur de casting chez AlphaTauri et RBF1. C'est-à-dire que l'an dernier, il prend Nick De Vries sur la base d'un Grand Prix réussi, mais en fait qui ne valait pas dire grand chose, et c'est une signature totalement coup de tête d'Helmut Marko qui espérait voir un duo néerlandais peut-être chez Red Bull ou je sais pas quoi. Au final, pas du tout. Et là, Ricciardo, malgré tout, je pense que c'est une erreur aussi, et ouais, je suis assez surpris. Alors le jongleur, Marko a signé, enfin Marko était celui à la signature de De Vries, Horner est celui à la signature de Ricciardo. Ils ont tous les deux des droits là-dessus, et je pense qu'ils savent s'entendre un petit peu quand il y en a un qui a vraiment envie de privilégier une piste. Et je pense que Marko n'a pas mis non plus son veto sur une venue de Ricciardo non plus, puisque c'est malgré tout un excellent... c'est un excellent élément interne et puis marketing aussi. Donc. Par contre, c'était par contre un des deux premiers éléments des luttes de pouvoir dont on avait parlé déjà dès l'année dernière. Donc Horner était absolument pas fan de De Vries, n'avait pas du tout compris pourquoi il l'avait dit d'ailleurs. Voilà, et ça commençait à être les prémices, on va dire, à mon avis, de ce qui se passait depuis le décès de M. Matejic. Donc c'est pas impossible qu'effectivement toutes ces divergences de point de vue... Je ne dis pas que ça soit né des pilotes, mais que effectivement ces premières signatures un peu poussées par l'un ou par l'autre soient la face émergée des premières dissensions entre chacun, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est un petit peu. Enfin bon, de toute façon, voilà, ça va encore se prolonger. Mais bon, je pense que Ricciardo n'a pas non plus une durée de vie illimitée s'il ressaisit pas un peu au niveau de ses performances. Je pense pas que. Ils lui laisseront peut-être jusqu'à la pause estivale, mais je pense que si ça va pas mieux à la pause estivale, il finira pas la saison dans tous les cas. Même si Horner est là, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des limites qui vont se poser à un moment, et c'est vrai qu'un Ricciardo qui se fait battre régulièrement par Tsunoda, c'est difficile de justifier tout Christian Horner qui soit. Ouais, la seule chose qu'on peut pas juger, nous, de l'extérieur, c'est quel est l'apport technique de Ricciardo sur l'évolution et le développement. Ça. Donc ça, effectivement, si son rôle est quand même perçu... de belle manière, et c'est plutôt le sens des commentaires qui a été fait en premier lieu par Mekies et Bayer sur le rôle technique que Ricciardo joue. C'est peut-être ce qui peut effectivement le sauver encore un peu, mais si ses performances continuent à être en dents de scie, comme elles l'ont été en début de saison, effectivement, il fera pas long feu, quoi. C'est ça. Équipe suivante de laquelle nous allons parler, As, avec la 11e place de Nico Hülkenberg, la 13e place de Kevin Magnussen. L'équipe ne marque pas de points, mais est encore une valeur assez sûre dans le peloton. Elle reste 7e au championnat. Alors, ils prévoyaient de souffrir en qualif, et finalement, ça a été moins pire que prévu. Puisque bon, Suzuka était quand même un des tracés les plus redoutés par l'équipe en début de saison. Puisqu'il ne correspond pas du tout aux caractéristiques de la voiture. Et finalement, ça n'a pas été la catastrophe annoncée. Magnussen éliminé en Q1, Hülkenberg passe en Q2, il rate son départ, mais malgré tout, il arrive à remonter avec une stratégie un petit peu décalée. Et au final, il finit à 6 secondes des points, donc c'est pas 6-7 secondes. Donc c'était pas la catastrophe annoncée, Franck. Oh bah pour moi, c'est en gros, je pense qu'après Suzuka, là, ils ont tous été faire une grosse fiesta parce que c'était quand même le circuit redouté, comme tu dis, en termes de performance, mais surtout en termes de dégradation des pneus. C'est vraiment le circuit qui est un des plus destructeurs, en tout cas, de ce début de saison, et donc un juge de paix en termes de compréhension de la dégradation pneumatique. Et je pense que Haas peut sortir extrêmement rassuré. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est sorti des commentaires, c'est que même s'ils n'ont pas marqué de points, ça y est, ils ont la validation que je pense, ça y est, leur souci de rythme de course, de dégradation des pneus non maîtrisés de l'année dernière est vraiment, peut-être pas 100% derrière eux, mais 95% derrière eux, parce que voilà, résister à un circuit comme Suzuka, être dans le coup en rythme de course, pouvoir remonter même pour Hülkenberg, effectivement, qui s'est un peu loupé au départ en ayant activé l'anticalage du coup, et perdu des places, réussir à monter à la porte des points. C'est une très très très jolie performance, donc je pense que ACF1, de manière très surprenante, hein, plus petite équipe du plateau, plus petit budget, va pouvoir se concentrer effectivement maintenant peut-être à redresser le niveau de performance, tant mieux, parce que du coup ils vont récupérer un peu de points, un peu de sous aussi derrière, de crédibilité. C'est ça. Komatsu va du coup pouvoir vraiment se concentrer sur il l'a déjà fait, sur l'organisation, la gestion, sur comment surtout toutes les parties qui vivent un peu à gauche et à droite communiquent entre elles. Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça l'effet Komatsu ? Voilà, la voiture était quand même conçue pendant l'hiver avant qu'il soit nommé. Maintenant, il y a eu une méthode derrière de travail qui est absolument parfaite, qui est saluée d'ailleurs par les pilotes. On sortira l'article sur Next Gen Auto d'ici la fin de la semaine. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement posé, qui a vraiment su mettre le doigt là où ça faisait mal, lancer les tests qu'il fallait. On l'a déjà dit lors des essais de pré-saison, c'est-à-dire qu'on s'en foutait du chrono, on fait des longs relais, on teste tout, on essaie de comprendre. Et on voit que la méthode, elle a payé, quoi. Et alors qu'il n'y avait que 3 jours d'essai. Donc, et sur une base d'une VF24 qui est très très peu différente de la VF23 version évoluée qu'on a vue à Austin l'an dernier. Donc ça veut dire qu'effectivement, fondamentalement, dans cette voiture, il y avait du bon. Il suffit juste de mettre les bons réglages, clairement en termes de châssis. Bon, peut-être un peu d'aéro aussi derrière, mais c'est tout clairement au côté du châssis, pour que les pneus ne se dégradent pas. Donc voilà, et peut-être qu'ils ont aussi un peu appris de Ferrari. Nous cachons pas, il reste quand même quelques liens toujours entre eux, même si on en parle un peu moins ces derniers temps. Mais voilà, c'est la très très bonne surprise de ce début de saison. En fait, l'année dernière, la très très bonne surprise du début de saison, c'était Aston Martin. Cette année, on peut dire que c'est Ferrari quand même, bon, même s'ils avaient fini sur ce niveau-là. Mais c'est Haas, parce que Haas est pour moi avec RBF1, l'équipe qui va disputer la 6e place du championnat. Ils visent plutôt la 8e place, eux, mais partis comme ils sont partis, avec le degré de confiance qu'ils ont, avec la motivation d'Hülkenberg, une 6e place au championnat constructeur, avec pas beaucoup de points, on va le rappeler. Hein. Les 5 équipes vont marquer beaucoup de points, et derrière, ça va peut-être jouer sur ce rythme-là. On est quoi, au bout de 4 courses, on est sur du 7 points. Ça veut dire qu'au bout de... cinquantaine de points. Ouais, 30-40 points grand maximum pour la 6e place constructeur. C'est pour vous dire à quel point ça va être tendu, mais chaque point va compter. Bravo à Hayao Komatsu, surtout pour avoir redressé derrière avec ce qu'il avait déjà à disposition. Ouais. Et puis en espérant que ça aille mieux. Et puis du coup, il va peut-être décrocher des budgets supplémentaires, parce qu'il l'a dit, hein, s'il réussit à prouver que ça progresse dans le bon sens, Gene Haas est prêt à remettre la main au portefeuille. Ouais. Ça va peut-être aussi attirer des sponsors. Hein. N'oublions pas, le succès appelle le succès en Formule 1. Donc voilà, certes, l'équipe est à peu près au budget plafond, mais on sait qu'on peut dépasser ce budget pour de la communication, pour du marketing, pour faire d'autres tests. Pour signer des meilleurs pilotes. C'est ça, c'est une meilleure pilote. On peut faire beaucoup de choses avec plus d'argent. On peut même développer un programme de voitures privées derrière. Donc c'est tout bon pour Haas. Enfin, en tout cas, sur une bonne trajectoire. Et donc, espérons pour eux que ça continue comme ça. Ah, moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Je suis assez totalement d'accord avec toi sur l'aspect course. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me laisse de plus en plus penser à un truc, c'est qu'ils pourraient jouer un rôle, pas énorme, mais quand même un rôle dans la saison des transferts. Parce qu'au final, des pilotes qui sont pas assez bons. Enfin. Je pense typiquement aux pilotes alpines, s'ils veulent changer d'air mais qu'ils n'ont pas de place dans les top teams, pourquoi pas tenter chez Haas. Je veux dire, si l'équipe est capable de faire ce qu'elle a fait par le passé, il y aura sûrement Lieberman qui va être là, mais de toute façon, possiblement chez Haas, on est face à un renouvellement intégral du duo de pilotes. Si Hülkenberg part chez Sauber, Magnussen n'est pas non plus le pilote indispensable aujourd'hui. bah, peut-être avoir ouais, un Ocon Berman, un Gasly Berman, ou on ne sait pas. Donc, et au final, parce que l'an prochain, ils auront quelque chose de bon, en fait. Ils auront une base solide. Et eux, ils font partie des équipes qui ont déjà une base solide pour l'an prochain. Alors, reste à voir leur capacité d'évolution. Ça reste toujours le problème avec As. Mais en tout cas, on a déjà une philosophie totalement différente avec des évolutions qui arrivent. Et je pense que, à mon avis, on peut voir quelques surprises à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'équipe se rachète, en tout cas, une crédibilité et sort de cette image qu'elle a eue 3 années sur les 4 dernières où elle était la dernière force du plateau et elle ne pouvait rien faire, quoi. Là, oui, Slim, la honte pour Alpine, si leur pilote préfère aller chez As, mais aujourd'hui, il y a une équipe qui joue les points et l'autre qui joue à peine la Q2. Donc, et parce que là, en plus, à Suzuka, on en reparlera après, c'était pas terrible. Donc voilà. Donc moi, As, c'est vraiment la bonne surprise. Ça fait plaisir aussi parce que derrière l'équipe qu'on peut aimer ou pas, ça. Sa communication, on peut aimer ou pas son fonctionnement, on peut aimer ou pas les personnes qui sont à la tête, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des centaines de gens qui se cassent le cul à faire des voitures qui fonctionnent et à travailler dur pour que ça marche. Et ces gens-là ont enfin des récompenses, et je pense que c'est aussi bien pour eux d'avoir un petit peu de baume au cœur, quoi, parce que ça a quand même traversé une période de 4-5 ans qui a été abominable, donc malgré le très bon début de saison 2022. Oui, non, je dis que c'était pas terrible pour Alpine, mais c'est évidemment un euphémisme, on y reviendra. je sais pas si tu as autre chose à dire sur As, moi en tout cas, c'est un petit peu genre encouragement et continuer comme ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment... J'allais dire, c'est le bon premier trimestre presque. On n'y est pas encore, mais. On continue sur cette lancée. C'est ça. Non, c'est très bien. Alors, Kick F1, Steak F1 ou Sober F1 comme on veut. Valtteri Bottas termine 14e, Guanyu Zhou abandonne sur un problème mécanique et un problème de boîte de vitesse. L'équipe ne marque toujours pas de points, mais l'équipe fait des arrêts en moins de 50 secondes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas eu un seul problème d'arrêt au stand. Alors les arrêts n'étaient pas non plus fous, hein, c'était du 3-4 secondes, mais au moins, ce n'est pas des arrêts de 50 secondes. Plus de problème de ce côté-là, en tout cas pour l'instant à Suzuka dans l'équipe, ce qui fait que l'équipe peut jouer ses courses comme elle l'entend. Malheureusement, ça joue quand même loin en termes de performance. Ouais, c'est encore loin, il y a encore du taf, mais ça. Je lancerai juste un petit peu pour Bottas quand même, qui est justement sur son dernier arrêt où il fait son. Bah, du coup, on sortira, je sais pas si demain ou enfin plus tard, les temps en pit lane effectivement passés par les pilotes par les pilotes Steak, pardon, où c'est entre 23 et 24 secondes en général en moyenne par équipe, et eux c'était entre 24 et 25 secondes, et le dernier arrêt de Bottas c'était presque au niveau de 26 secondes, et il perd quand même 3 positions sur son dernier arrêt au stand. Et ce qui aurait mis, si, sans ça, ça l'aurait mis quand même dans la lutte pour le top 10. Enfin, en tout cas, pas très loin. Donc en termes de perf, c'est quand même pas si mal. Donc on veut avoir maintenant effectivement avec des arrêts au stand qui seront. Parce que là, pour le coup, chaque place de perdu coûte cher. Hein, parce que on vous l'a dit, c'est très serré en tout cas pour la lutte pour le top 10. Donc, c'est pas si mal, on va dire, que chez Steak F1. Alors pour Bottas, c'est pas si mal. Alors Guanyu Zhou, pour moi, ça reste encore un mystère parce que ce week-end, il était pas du tout là. Mais depuis début de saison, hein, globalement. C'est, Oui, mais alors ce week-end n'était vraiment pas du tout là pour le coup. Ce qui est étonnant, en plus, juste avant son grand prix à domicile. C'est pas terrible. Donc Steak F1, pareil, ça doit préparer en arrière-plan le projet Audi, évidemment, mais bien sûr. Mais voilà, ça reste encore un peu trop limite pour jouer les points. Les points à la régulière. Alors j'ai dit bien les points à la régulière s'il y a un problème devant. C'est comme ça qu'il va falloir le dire maintenant. Bah c'est ça. De toute façon, après le peloton est super serré malgré tout. Hein. Les écarts sont faibles. Les places en Q2 valent cher. Mais oui, effectivement, et ça montre que Sainz, s'il décide d'aller chez Sauber l'an prochain pour être chez Audi en 2026, va passer par une année de purgatoire avec une voiture qui sera la moins bonne qu'il a eue depuis un paquet d'années. Potentiellement depuis 2015, donc voilà, c'est mais bon, après peut-être que c'est nécessaire quand même, et oui, après moi je pense que Guanyu Zhou montre ses limites malheureusement, et je pense que oui, je pense qu'on se dirait, on parlait tout à l'heure de ce premier Grand Prix de Chine qui serait possiblement le dernier, je pense que ça va être ça, parce que je vois pas Sauber va transiter vers Audi l'an prochain, transitionner, et je pense que ça va être ça va être lui qui va faire les frais, sûrement Bottas aussi peut-être, hein, mais ouais, je pense que ce coup-ci... J'ai bien peur que les deux fassent les frais, ouais. Ouais, je pense aussi, mais s'il devait en garder un, de toute façon, ce serait Bottas, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le pilier, donc dans tous les cas, j'ai du mal à croire que Joe rebondisse. Calabres qui demande si Ocon part chez Merco, Joe chez Alpine, alors il n'a plus du tout de lien avec, donc il n'a pas non plus fait des preuves énormes. Ça dépendra de comment Alpine finit la saison, ça dépendra des prétentions qu'ils ont, mais ils ont, quitte à prendre un jeune pilote, ils ont Douane. Donc je pense pas qu'ils perdront les deux Français qu'ils ont actuellement. Donc où irait Bottas? As Alpine Williams, moi je pense qu'il irait à la retraite. C'est ça. À mon avis. À moins qu'il veuille tenter un défi, mais je vois pas s'embourber dans un projet encore plus. Alors, Williams, je sais pas ce qu'il donne. As peut-être, mais ça me paraît être un profil un peu similaire à Steak aujourd'hui. Pourquoi pas, il peut sauver sa peau. Il a encore une image maintenant là qui. Faut pas qu'elle se dégrade plus, hein, parce que quand même. Non. Ça va même mieux que l'an dernier, je pense. C'est ça. Même là, je serais lui, j'arrêterai de m'accrocher au projet Audi parce que il martèle. Il en parle, hein. Mais on sent quand même bien que c'est pas le. Alors, lui, sa chance, ce serait que Carlos Sainz refuse d'y aller. Évidemment, il se retrouverait mieux placé. Je ne sais pas s'il serait le mieux en tête de liste, parce qu'effectivement, je sais que Esteban Ocon est quand même assez bien vu chez Audi. On en avait quand même parlé il y a quand même plusieurs mois de ça, effectivement. C'est un moment, ouais. Voilà, serait voilà. Un Esteban Ocon fatigué du projet Renault Alpine, parce que lui, c'est quand même, fait quand même pas mal de temps qu'il y est, contrairement à Pierre Gasly, qui lui, il a débarqué l'année dernière. Un Esteban Ocon sur le départ pour un projet Audi, je le conçois totalement. Un Pierre Gasly déjà sur le départ d'Alpine pour autre chose, je le conçois moins après une seule année de galère. Pareil. Donc clair. Donc ouais, non, mais Bottas, ça va dépendre un peu de ce que va choisir Sainz. Si Sainz signe chez Audi, vous pouvez être sûr que Bottas n'y sera pas. Je vois pas pourquoi ils aligneraient ce duo-là. Il serait clairement un duo Sainz-Hülkenberg derrière. Et voilà, Bottas, malheureusement, ça commence à sentir un peu la fin des haricots. Hein. Pour rester dans le vert. C'est ça. Haricots de cette couleur, je sais pas si c'est une bonne idée, mais non, effectivement, ouais, je pense que c'est. Après, c'est dommage parce qu'en fait, c'est compliqué depuis début 2022 où la voiture était bien. Derrière, ça a été très compliqué chez Alfa Romeo puis Steak. Et au final, c'est difficile de dire à quel point les pilotes sont fautifs ou font un super taf parce que la voiture est assez illisible. En termes de performance, mais c'est aussi le problème c'est à la fois très bien d'avoir un peloton très serré et à la fois ça se fait tellement, les différences se font tellement à pas grand chose que les pilotes peuvent vite se donner une mauvaise image d'eux alors qu'ils sont pour pas grand chose, et inversement faire des très très belles choses qui vont passer inaperçues, même si les très belles performances généralement ne passent jamais inaperçues. J'ai pas de transition entre très belles performances et Alpine, mais je pense qu'on peut passer chez Alpine puisque ils ne sont pas derniers. Ils ne sont pas derniers, merci. Dans notre live, en tout cas. Ouais, merci Logan Sargeant pour ce petite sortie de piste. Alors moi, je pense qu'on a eu le pire week-end de l'équipe d'Enstone depuis 2016. C'est la pire saison de l'équipe d'Enstone depuis 2016. Et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant s'il n'y a pas encore, malheureusement, un gros changement à la tête de l'équipe. Parce que je voulais saluer les pilotes déjà qui, eux, font le maximum, mais qui s'agacent un petit peu à force parce qu'on leur fait vraiment faire n'importe quoi. Et je voulais déplorer un peu la citation de Bruno Famin après la course. Alors, les pilotes, pour mettre du contexte, terminent 15 et 16 après s'être qualifiés 15 et 17 de mémoire. Petite progression donc. Hein. Ouais, c'est bien, une place de gagner. Ocon termine 15e après avoir fait sa deuxième Q2 de suite. Gasly termine 16e. Les pilotes, bon, ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont accrochés au deuxième départ. Gasly passe Ocon, puis se rabat sur lui parce qu'il y a un mouvement de Tsunoda. Et les deux se touchent. Gasly est le plus touché des deux. Sa voiture perd entre 8 dixièmes et 1 seconde. Sauf que, en rythme de course, il prenait 1 seconde et demie par Logan Sargeant. Donc, ça veut dire que de toute façon, la voiture était la dernière du peloton. Très nettement. Et moi, ce qui m'inquiète, et là où je voulais en venir sur Bruno Famin, c'est que déjà, il critique les pilotes parce qu'ils se sont touchés, mais t'as envie de lui dire, écoute, avant de critiquer les pilotes, donne-leur autre chose qu'une charrette, et peut-être qu'ils feront quelque chose d'un peu mieux, plutôt qu'essayer de se battre pour la pauvre place qu'ils peuvent sauver. Et surtout, Bruno Famin est maintenant là depuis la deuxième partie de saison 2023. Il est arrivé après l'été, après la pause estivale, ce qui fait donc 13 courses faites à la tête d'Alpine, et en fait, tout va moins bien que quand il est arrivé. C'est-à-dire que la voiture va moins bien, on le savait, ils ont raté des crash tests, la voiture n'est pas bonne, etc., mais l'opérationnel fonctionne moins bien, et le stratégique fonctionne moins bien, la communication n'est pas meilleure, et les pilotes, enfin tout le monde est paumé dans cette équipe. On demande à Ocon d'attaquer, il renvoie chez son ingénieur parce qu'il dit « mais tu crois que je fais quoi en gros, je suis en train de rouler ?» Mais en fait on lui demande d'attaquer parce qu'on lui dit bah finalement on va faire une saison, une stratégie à un arrêt, puis une fois qu'il se met à attaquer on lui dit non en fait ralentis parce qu'il va falloir faire une stratégie à deux arrêts, puis finalement on réfléchit à une stratégie à un arrêt avant de ne pas la faire, et après t'as Famin à la fin qui vient dire ouais les pilotes ont gâché la course en gros, ça nous a ruiné le truc, mais non il n'y a rien qui va, donc moi je suis déjà d'une part très inquiet pour Alpine parce qu'en fait Viry n'a pas fait un bon moteur en 2022, Enstone n'a pas fait un bon châssis en 2024, et aujourd'hui le cocktail des deux est catastrophique. Les pilotes, on a quatrième course, ils sont un petit peu au bout du rouleau, ça se sent déjà, et il n'y a aucune perspective, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un week-end où il y avait des améliorations sur la voiture, des kilos de gagnés, un nouvel aileron avant qui était censé rendre la voiture moins front limited, et donc d'être meilleur à Suzuka sur un circuit qui demande beaucoup d'investissement de la voiture dans les virages, c'est-à-dire de réactivité et de précision. Au final, ils étaient nulle part. Ils prennent une rouste absolue, les dégradations n'est pas bonne. Et ouais, moi je trouve que cette équipe est dans la pire situation dans laquelle elle a pu être depuis le rachat de Lotus en 2015. Et en fait, je pense... Ça me fait chier parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'il est là, mais je vois pas en quoi Bruno Famin est l'âme de la situation, et surtout, rappeler Otmar Szafnauer, en fait, c'était pas si mal, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si toi tu vois un tableau aussi noir ou si c'est moi qui suis un petit peu négatif. C'est dans la continuité de ce qu'on disait sur les précédentes émissions, c'est qu'évidemment, dans cette forme-là, le Team Enstone, il ne montre aucune verve, il n'y a aucun recrutement de grand nom. Au contraire, c'est plutôt toujours sur le départ. Il y a rien qui va. Autant la voiture elle va pas, autant côté management ça va pas non plus. Bruno Famin effectivement quand tu dis tout sympathique qu'il est, pour moi c'est pas un leader charismatique d'une équipe qui a besoin d'être secouée par quelqu'un. C'est désolé, on rentre toujours dans des clichés, mais c'est des hommes forts, des gens qui ont de la poigne, qui imposent leurs idées et qui donnent envie de les suivre. Pour moi, Bruno Famin, en tout cas publiquement, médiatiquement, ne donne pas du tout cette image-là d'un leader charismatique que les gens ont envie de suivre, et les gens ont envie de se défoncer au travail pour lui, quoi, et pour les idées qu'il porte. C'est pas du tout l'image que donne cette équipe. Alors je sais très bien qu'il y a plein de méthodes de management différentes et je veux pas critiquer une méthode de management par rapport à une autre, mais clairement Alpine aujourd'hui est en elle tombe de plus en plus bas. Et Luca De Meo, je ne sais pas ce qu'il attend mais là il va falloir attendre l'été pour de nouveau refaire un remaniement, quoi. C'est dès maintenant qu'il faut. Alors, je sais bien que le problème, c'est le temps long des contrats, le temps long des recrutements, c'est le problème de la F1 avec des périodes de préavis, congé de jardinage, appelez ça comme vous voulez. Oui, mais le problème, c'est que les équipes annoncent quand même des recrutements, même s'il y a jardinage. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils n'annoncent rien, ce qui veut dire qu'il n'y a sûrement pas de recrutement de fait, en fait. Mais personne ne veut y aller, en fait. J'ai l'impression que personne ne veut y aller. Et c'est fou. Alors, c'est quoi la porte de sortie? C'est quoi? C'est une revente? Mais bon, le problème, c'est que vous avez un projet à la fois châssis d'un côté et moteur de l'autre. Ça veut dire quasiment fermer Véry Châtillon, puisqu'ils tournent quasiment plus que pour la Formule 1 maintenant. Donc c'est délicat, hein. C'est des emplois. Véry tourne pour la Formule 1, mais bon, ça ne fera pas tourner les trucs seuls. Non, ouais, c'est ça. Donc, et vu que le proto WEC, c'est Mechachrome qui fait le moteur. C'est ça. Véry, en plus, avait été modernisé, rajeuni, étendu il y a peu de temps pour tous les nouveaux bâtiments moteurs, les bancs d'essai, tout ça. Il y a eu un gros investissement qui a été fait à Véry. Là, ça veut dire où on revend tout le projet clé en main à quelqu'un d'autre qui appose son nom derrière. Mais pareil, c'est un repart pour des années de transition. Moi, je disais, c'est le plan à 100 courses avant la revente, quoi. On arrive clairement là-dessus. On n'est pas du tout sur une trajectoire ascendante. Alors, oui, Otmar Safnauer, pour moi, a été viré de manière injuste. Je l'avais clairement dit. Je vois pas pourquoi lui devait payer les pots cassés des fausses promesses de Laurent Rossi à sa direction. Parce que Laurent Rossi, moi, je vais te dire, là, c'est moi qui vais te dire pourquoi. C'est que Laurent Rossi a juste pas assumé d'avoir totalement foiré ses promesses. C'est ça, donc Laurent Rossi a fait des fausses promesses et du coup il a voulu faire payer derrière, mais finalement c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'Otmar Safnauer doit bien se marrer malheureusement de là où il est, mais il y a très peu de voilà, il y a très peu de aujourd'hui de voilà de grands leaders renommés. Ah si, on revient à Mattia Binotto, mais bon. Il n'a pas l'air de vouloir venir. Je veux dire, tout le monde critique. Ah non, Mattia Binotto chez Alpine. Hein. Maintenant, aujourd'hui, Mattia Binotto chez Alpine, je crois que tout le monde dira ah oui, ouais, c'est clair. Il a retrouvé un taf, du coup, lui. Donc, Oui, il a retrouvé un taf ailleurs. Voilà. Bon, après, c'est pas un taf. C'est sûr que oui, il y a beaucoup de gens. Miroulant, mais c'est bien éloigné quand même de la pression de la Formule 1. Ça, je pense qu'il a aussi un peu besoin. Je ne dis pas qu'il ne reviendra jamais en Formule 1. Mais Mattia Binotto en sauveur d'Alpine, je veux dire, tout le monde hésitait, ouais, parce que c'est vraiment le bon choix. Tout ça, quand on en parlait dans les rumeurs il y a quelques mois. Aujourd'hui, tout le monde est presque en train de dire, mais faites-le venir, bordel. C'est quand même, c'est bien quelqu'un qui pourrait sauver Alpine, qui connaît bien la technique, parce que là, il faut vraiment un technicien, là, pour le coup. Hein. Il faut vraiment un technicien qui puisse mettre son nez dans les projets et aiguiller un peu l'équipe technique, les ingénieurs, les concepteurs et les designers. C'est bien un technicien. Et Safnauer n'est pas un technicien. Tout grand leader d'équipe qu'il a été dans des équipes de moyenne composition comme Force India ou Racing Point, c'est là je ne vois pas qui et comment sauver Alpine. Je veux dire même si vous voulez, même, ils ont l'argent et tout, mais qui veut y aller, c'est quand même, c'est aussi toujours pareil, c'est du mercato, c'est du transfert d'ingénieurs et tout, mais vous verrez jamais aucun grand nom de Red Bull, Mercedes ou Ferrari aller chez Alpine. Il y a peut-être que pour le poste de directeur technique, et encore, il faudrait quand même déjà aller recruter parce qu'il y a, rappelons qu'il n'y a pas de directeur technique, pour l'instant, c'est que de la promotion en interne de gens qui sont totalement inconnus. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, je dis juste qu'ils sont inconnus. Et quand vous menez une équipe de Formule 1, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une image. Ouais. Quand vous avez un grand nom qui dirige, vous avez un grand nom qui est à la technique, ça donne envie à des jeunes ingénieurs, à des bons ingénieurs de rejoindre l'équipe. Si vous n'avez pas de tête pensante, vous ne séduisez pas. Et si vous ne séduisez pas, vous ne recrutez pas. Et si tu ne recrutes pas, tu ne progresses pas. Et si tu ne progresses pas, tu ne recrutes pas. C'est la pire situation possible. Mais en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que la com de Bruno Famin, pour moi, c'est de la com Laurent Rossi. Mais c'est-à-dire que début de saison, c'était oui, de toute façon, on amène des évolutions drastiques et importantes à la course 4 et à la course 7, Suzuka et Imola. Et l'évolution de Suzuka, elle est arrivée. Et l'évolution de Suzuka, elle n'a rien apporté. Ocon a dit, on a fait un pas en arrière en course. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Parce qu'en gros, c'était de toute façon, oui, on a raté le début de la voiture, la base de la voiture. Mais on a une base solide. On a fait quelque chose qui permet un développement agressif. Et on a deux grosses évos qui arrivent en début de saison. La première est arrivée. Alors déjà, c'est pas une grosse évo en vrai. C'était juste un peu de poids en moins qui aurait dû faire quelque chose, et un aileron avant, et c'est pire qu'avant. Donc, je veux bien laisser jusqu'à Imola, en disant, allez, peut-être qu'à Imola, il y aura le package qui va faire que la voiture va être drastiquement différente, avec possiblement une nouvelle partie avant, possiblement ce genre de choses. Mais si à Imola, c'est pas à l'aise sixième force du plateau, il faut que Famin dégage avant la course suivante. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution, parce que si Renault n'aime pas les fausses promesses et que ça fait dégager tout l'organigramme précédent, celles qui est en train de poser Famin depuis le début de saison, elles sont quand même importantes, quoi. Donc, j'ai rien contre lui, encore une fois, il est là depuis longtemps et tout ça, mais là, clairement, il n'est pas au poste qui est bon pour lui. Et donc, il ne faut pas alourdir la voiture, parce que je pense que ça serait pire, mais voilà, c'est un problème. Et est-ce qu'on sait combien de kilos au moins il y avait? Non, je crois pas qu'ils aient communiqué là-dessus. Plusieurs kilos, voilà. Donc il y avait quand même de quoi gagner, quoi grappiller quelques dixièmes. Et s'ils avaient vraiment eu de quoi grappiller quelques dixièmes, ils auraient dû atteindre pas l'avant du deuxième peloton, mais presque, quoi. Donc et là, en fait, ils font une qualif qui est à peu près la meilleure possible, avec un pilote en Q2 et en course. Vraiment, j'ai beaucoup regardé leur rythme, parce que en fait, au bout d'un moment, j'hallucinais dessus. il prenait jusqu'à 1 seconde 7 au tour par Logan Sargeant. Par Logan Sargeant, je veux dire, qui est quand même dans une Williams qui n'est pas la meilleure voiture du plateau, et qui est Logan Sargeant qui est un des pilotes qu'on voit aujourd'hui comme étant un des moins bons pilotes du plateau. Donc, enfin, et à ce moment-là de la course, il faut bien se rendre compte qu'il prenait 3 secondes au tour, ou 3 secondes et demie par les Red Bull. Et derrière, on vient nous dire, oui, mais les pilotes ont ruiné la course. Mais non, les gars, enfin, les pilotes, ils n'ont rien ruiné du tout. Les pilotes, vous êtes en train de ruiner leur carrière éventuellement, mais pas plus, quoi. Famin, de base, c'était celui qui dirigeait tout le pôle sportif. Oui, c'est ça. C'était, pour moi, c'est pas dire le gratte-papier, mais c'est quelqu'un qui était plutôt à l'administratif, à la gestion, effectivement, de, plus globale, supervision de la stratégie, genre de choses. Pas quelqu'un qui doit gérer, malheureusement, une crise autant managériale que technique. C'est pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation, ça c'est clair. Et je réponds aussi à Xuan, ce qui disait le mécano en chef de Max qui va à l'autre bout de la pitaine. Oui, il va chez Steak F1. Alors c'est sûr que dit comme ça, ça fait pas rêver, mais c'est Audi derrière. Donc s'il a accepté de rejoindre cette équipe-là, certainement qu'on lui a promis un très très bon poste, je pense, quand l'équipe va devenir Audi. Et bah, le temps qu'il s'intègre à l'équipe, on va certainement voir une nomination. Et à mon avis, il devrait finir ingénieur de piste en chef ou ce genre de choses chez Audi. Donc, des gens comme Leroy Stevenson, parce que c'est lui dont on parle, acceptent de partir de Red Bull pour une équipe de bout de pit lane qui vont devenir équipe constructeur en général. Et ils y vont avec le poste qui va bien et la rémunération qui va bien aussi. Donc, il a envie aussi d'un nouveau défi. Hein. Ça fait comme 18 ans qu'il était chez Red Bull aussi. Donc, au bout d'un moment, on peut comprendre qu'on a aussi envie de changer d'air. Hein. Mais ouais, non, moi je trouve qu'il n'y a pas de reconstruction chez Ah non, il y a que de la déconstruction, il ouais. y a que de la perte, il n'y a absolument aucune valeur ajoutée. Les évolutions qui vont arriver, ça va être encore des évolutions signées Matt Harman, puisqu'on sait que c'est dans le tuyau machin, et après... Et Matt Harman qui a sauté après 2 ans et demi d'Hermann Technique, quoi, donc... C'est ça. Moi je suis très inquiet, et je trouve que tu sais que McLaren, quand ils étaient au fond du gouffre entre 2015 et 2018... T'avais ce côté où il y avait quand même des choses qui se passaient, il y a une vision à long terme, et Brown qui arrivait en faisant quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements d'organigramme, mais à chaque fois, il y avait toujours une pièce qui se mettait dans le puzzle, en fait. Et là, non. Il n'y a rien. Là, il n'y a pas de puzzle qui se met, il y a pas de pièce qui se met dans le puzzle, et le puzzle, il se déconstruit course après course, quasiment. Donc, je vois Sylvain qui dit Gunther sauve Alpine. Bon, bah, si ça arrive, bravo à lui, mais je reste assez sceptique. Hein. Et je suis d'accord avec quelqu'un, depuis le départ d'Abit Bull, c'est totalement instable, et plus ça va, moins ça va. Mais encore une fois, pour moi, le grand architecte de cette déconstruction, c'est Laurent Rossi, et son ego, précisément, qui ont fait partir Prost, qui ont dégagé Abit Bull, qui ont dégagé Zaffnauer, qui ont fait des promesses, qui ont tiré sur l'équipe en public et tout ça. Et aujourd'hui, c'est tout ça, c'est ce qu'on voit chez Alpine aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça, en fait. Et rendez-nous Gérard Lopez, génie capitaine. Alors peut-être pas quand même, parce que là je pense que l'équipe sera en faillite, mais rendez-nous des gens du passé, ou faites quelque chose pour qu'on ait des gens du futur. Mais il faut faire quelque chose, et il faut faire surtout en sorte que ces deux usines fonctionnent, parce qu'avant on disait les deux usines ne savent pas travailler ensemble, mais aujourd'hui les deux usines n'ont pas réussi à produire quelque chose. Donc et encore une fois, comme je dis tout le temps dans ces cas-là, je ne remets pas la faute sur les ingénieurs, sur les gens qui bossent à l'usine et tout ça, parce que vraiment il n'y a pas une personne de mauvaise volonté en Formule 1. Oui, parce qu'on se sait très lu, écouté. Ouais, ouais. Donc vraiment, là-dessus, je veux être clair et tout, parce que même sur Twitter, je dis souvent, jamais on tapera sur les gens qui font les voitures, parce qu'eux, ils font ce qu'ils ont, avec ce qu'ils ont. Donc déjà, Alpine manque peut-être d'investissement, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les usines. Et ils le font avec les directions qu'on leur donne. Et t'as beau être ingénieur, qualifié, etc. Aujourd'hui, si on te dit, si on te laisse chez Alpine dans l'état où elle est, il n'y a pas de direction technique. Donc les gens vont un peu à l'aveugle, et je pense que ça se voit sur des erreurs énormes qui sont commises. Mais en tout cas, vraiment, que ça ne soit pas non plus mal interprété, on est très violent avec Alpine, mais ce n'est pas du tout de la faute des employés qui, bien évidemment, se donnent autant que ceux des 9 autres équipes. Mais voilà, pour moi, ça vient de la faute des dirigeants, clairement, quoi. Il n'y a pas de cohésion de projet, il n'y a pas de direction claire, il n'y a rien de tout ça. Donc les gens effectivement se raccrochent aux projets qui ont été définis. Moi, pour eux, c'est clairement, ils arrivent le lundi, ils allument leur PC, ouais, voilà, il y a telle pièce à sortir pour tel jour, telle chose à concevoir. Et... au pire, il y a peut-être des réunions entre les différents groupes et les départements, évidemment, ça existe toujours. Et ça avance quand même, on ne parle pas d'une voiture qui roule à 10 secondes des autres, hein. On parle d'une voiture qui a une seconde, donc on ne parle pas non plus d'une charrette totale, pour reprendre ton terme. Mais on parle effectivement d'une équipe qui perd de plus en plus de son leadership, et donc risque de reculer encore plus. Et il faudrait pas que ça devienne justement irrattrapable. Et là, là, on est dans le scénario de l'irrattrapable, en fait. C'est surtout là-dessus qu'on appuie. On dit pas que l'équipe est mauvaise au point d'être bonne à acheter, que c'est une fortie des années 90 pour ceux qui ont connu ce genre de choses. On dit juste qu'elle est en train de glisser sur les scénarios de attention, l'irrattrapable n'est pas loin. Voilà. Mais, et moi, j'insiste sur le terme charrette parce que, en fait, dans la F1 moderne, voir la 10e équipe en rythme de course prendre une seconde, allez, on va être gentil, on va dire même sans les dégâts, il prend 5 dixièmes à 7 dixièmes par la 9e équipe, ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus. Et en fait, on a crucifié As pour des choses comme ça dans une autre époque de la F1. Donc, et As n'est pas Alpine. Enfin, je veux dire, c'est pas un constructeur, c'est pas un motoriste et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment. Simtex arrive avec charrette, c'est bien vu. Oui, effectivement. et oui, l'irrattrapable est très proche pour moi. Et en fait, le problème, c'est que de toute façon, ils sont tellement dans une galère sans nom que si. Il n'y a pas de miracle avec les évolutions ou avec un changement miraculeux, encore une fois, à la direction technique. La saison 2025 sera du même acabit. Ils progresseront moins que les autres et ils seront toujours largués. Donc ouais, j'ai un peu peur que... J'ai un peu peur que ce soit pas dingue, quoi. Ça a provoqué du coup le départ des pilotes qui peuvent partir. Je pense que si Esteban Ocon peut avoir une place ailleurs, il le fera. Je pense pas qu'il se privera d'aller chez Mercedes s'il peut y aller, ou chez Audi. Je pense que voilà, il a un peu fait le tour, hein, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Pierre Gasly, non, je le vois pas partir. Alors, à moins qu'il soit courtisé, mais malheureusement son nom ne figure pas vraiment dans les rumeurs ces derniers temps. Donc Pierre Gasly, lui, il est arrivé qu'au début de l'année dernière, donc il peut essayer de porter ce projet franco-français en termes de moteur et de châssis. Maintenant, un seul pilote peut-être, voilà, mais si Esteban Ocon, je pense, a une opportunité d'aller ailleurs, il pourrait la saisir. Parce que bon, même si on sent les deux pilotes solidaires de l'équipe, en tout cas des employés qui y sont, ils ont quand même leur réputation et leur carrière derrière. Et Esteban Ocon, ça fait quand même bon petit bout de temps qu'il attend quelque chose de prometteur. Et Alpine aurait pu lui offrir. Bon, il a quand même gagné, il a gagné quand même un Grand Prix. Et c'est vrai qu'un Français qui gagne un Grand Prix, on n'en a pas vu beaucoup en 30 ans. On n'en a vu que 3. Donc voilà, on a vu Panis, on a vu Pierre et on a vu Esteban. Donc ça fait quand même très peu, hein, depuis Alain Prost, hein, et Jean Alési en 95. Allez, j'oublie pas, oublier Jeannot en 95 quand même. Ouais, voilà, c'est pas du tout ce que Esteban espérait, quoi. Non. C'est quand même un des talents, un des prodiges qui a accédé à la F1, qui méritait beaucoup mieux, qui a d'ailleurs été mis sous l'aile Mercedes. Et qui, moi, mériterait totalement d'être dans une Mercedes, mériterait totalement d'être, pourquoi pas, dans une Audi, dans une très très bonne voiture, ou une Alpine, comme elle était il y a 2 ans, quoi. C'est-à-dire qui jouait le top 3, pas très loin du top 3 à certains Grands Prix, quoi. Donc, mais là, voilà, c'est la dégringolade parce que ça a été très très mal géré. Oui. Et voilà, la plus grosse erreur pour moi, c'était de virer à Pitbull. Voilà, c'est de là que tout est parti. 100%. Alors là, je vais te dire, moi, depuis toujours, je suis un grand défenseur d'Abit Bull et 100%, c'était une connerie de le virer parce qu'il avait fait le plus dur, en fait. Il avait vraiment fait le plus dur pour remettre cette équipe sur les rails, alors qu'il a hérité d'un chantier. Il faut bien se rendre compte qu'en 2015, ils ont un mauvais châssis, en 2016, ils ont un mauvais châssis qui est prévu pour un moteur Mercedes. Ils foutent un moteur Renault dedans qui n'est pas terrible. Enfin, ils ont un duo de pilotes Magnussen-Palmer. Enfin, je veux dire, ça part de loin. Et 4 ans plus tard, ça joue les podiums avec Ricardo Ocon et une voiture qui est la quatrième force du plateau. Et il avait fait le plus dur. Et on le vire. On vire Prost, qui était un très bon conseiller, a priori, parce que Prost était aussi là dans ces moments-là. Et derrière, on recrute Zaffnauer, qui était probablement la meilleure recrue à avoir, quitte à séparer David Bull, et on le vire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas taillés pour ça, et dans une équipe qui va plus mal que jamais. Ce que je veux proposer d'ailleurs à tout le monde là, c'est que Manu, tu vas enregistrer cette séquence sur Alpine post-course. On lit tout ça, et comme ça on la rediffusera après chaque débrief. Comme ça, vous saurez les gens que vous pourrez aussi aller faire une pause pipi ou quelque chose pendant ce temps-là. On gagnera un quart d'heure à chaque fois. On gagnera un quart d'heure à chaque fois, voilà. Ouais, parce que bon, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas dire autre chose sur les prochains épisodes, malheureusement. Ah bah non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et du coup, bah, niveau transfert, eux, c'est le bordel total. De toute façon, ils n'auront pas vraiment le choix. Ils auront de pression à mettre à personne. Et leurs pilotes resteront s'ils n'ont pas d'autre choix. Mais leurs pilotes veulent partir, au moins Ocon, je pense. Gassi, peut-être pas Gassi. Il a peut-être encore envie, comme peut-être tu disais. Il a envie de partir, ouais, mais bon. Si il nous conduit d'ailleurs. C'est ça. Donc ça, c'est là, on est vraiment typiquement sur l'équipe qui est en position absolue de faiblesse sur le marché. Bravo à ses dirigeants. Et dernière équipe, Williams, qui n'était pas la dernière équipe en rythme, on l'a dit. Logan Sargeant termine 17e après, malheureusement, un accident vendredi et une sortie de piste sans gravité le dimanche. Alex Albon termine au troisième virage après s'être fait touché par Daniel Ricciardo. L'équipe casse encore deux voitures dans le week-end alors qu'elle n'avait pas besoin de ça. Et encore un châssis touché qui retourne à l'usine. Bon, déjà, je tiens à féliciter tous les gens chez Williams qui gardent le moral, parce que vraiment, ça doit... une poisse pareille, c'est pas possible. On doit avoir un peu moins d'employés de Williams qui nous suivent que d'employés Alpine, on le salue quand même. Tout à fait, je sais qu'on en a. Et au final, ouais, c'est dur, mais résilience quand même. Et puis, Williams sait que les jours meilleurs arrivent et il garde la pêche, comme on dit. Mais ça c'est coûte, cool. Qu'il... Le problème, c'est que ça coûte cher pour rien. Ouais, quoi. C'est ça. Ce genre de choses. Bon, alors, l'accident d'Albon, il peut pas grand chose. L'accident de Logan Sargeant le vendredi, je suis désolé, quoi. Là, c'est, il se croyait ailleurs en termes de position de piste par rapport effectivement à la sortie du vibreur, et l'herbe et tout ça. À ce niveau-là, pour moi, c'est impardonnable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la faute extrêmement bête. Si c'est vraiment ça la justification qui a été donnée, c'est fou parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à trouver autre chose. Ils ne pouvaient pas dire qu'il était à la limite parce qu'il n'était pas encore à la limite. C'est vraiment, voilà, je pense, une méconnaissance des limites de la piste à cet endroit-là. Et bon, pour ceux qui pratiquent un peu le simulateur ou les jeux de F1, c'est vrai que c'est un endroit où on sort assez facilement avec, quand on joue, parce que c'est vraiment un endroit très très piégeux où on a tendance à vouloir aller à fond, mais ça passe pas toujours à fond et c'est facile de mettre. Et là, en fait, j'avais l'impression en voyant ça qu'il avait fait cette erreur typique de ceux qui se mettent dans un jeu vidéo sur Circuit Suzuka à vouloir passer cet enchaînement-là, enfin la sortie de l'enchaînement des S à fond. Oui. Et puis finalement, on clip sur l'herbe en sortie et c'est fini, quoi. Ouais, c'est un peu. Enfin, je sais pas si tu te reconnais un peu dans cette description là. Totalement, non mais c'est ça, parce qu'en plus c'est vraiment des virages où en fait il faut garder toujours une très bonne trajectoire, et à partir du moment où t'es un petit peu hors séquence, ça finit par avoir cet effet catastrophique dans le dernier virage. Et là c'est exactement ce qu'il fait, il garde le pied un peu dedans, la voiture s'ouvre légèrement et à partir de là c'est fini. Et mais alors les conséquences sont énormes, et encore les conséquences sont énormes, ça va parce qu'il tape à l'avant et finalement ça, le choc est pas énorme, mais c'est le type de sortie, il peut pulvériser le châssis et c'est terminé, quoi. Donc, ah oui, là, si on le sait, hein, s'il y avait eu un châssis en moins, c'est terminé. Il n'y aurait eu qu'une seule voiture en ouais. Chine, puisque le châssis de rechange n'arrivera qu'à Miami. Et maintenant, peut-être même repousser, parce que si du coup, s'il y a encore du petit bois à réparer sur le châssis d'Albon, qui est reparti à nouveau, donc il a pas de voyager, lui, hein, il a fait Australie, Grove Suzuka, Suzuka Grove Shanghai. Le châssis d'Albon, il a le bilan carbone de Taylor Swift, donc. C'est ça. Pour lui mettre des petits Suzuka de voyage, tu sais que c'est bizarre. à visiter. Il aura pas le Corsica Ferries, mais. Non, on est pas loin, Rick Mouillon. Mais voilà, non, mais ça coûte cher évidemment, hein, à chaque fois, parce que c'est quand même des frais logistiques qui sont pas prévus, puisque là pour le coup il n'y a pas le choix, c'est l'avion. Donc, et puis c'est une coque de F1, c'est, bah, ça fait son volume, et c'est pas une valise en soute, hein, qu'il faut envoyer. Donc voilà, bah, c'est ça, plus le temps à passer par les. Alors là, bon, il semble quand même un peu moins. Comment dire, un peu moins inquiet sur l'état du châssis par rapport à celui de l'Australie, mais bon, il y a quand même une révision derrière à faire assez nette. Et voilà, donc bon, bah, on va dire c'est la séquence, hein, c'est la faute à pas de chance, hein, pour Williams qui rentre là-dedans. Donc on va pas trop commenter ça non plus, parce que voilà, Albon, c'est pas trop son genre de casse du petit bois. Logan un peu plus, donc j'espère que pour Sargeant, ça va vite revenir dans le bon mood, sinon à mon avis, ça risque aussi de coincer sur l'année prochaine. Je pense qu'on se fait quand même un peu pas trop de doutes sur le fait qu'il a un peu de mal à garder sa place, à mon avis. Sauf miracle, hein, parce que je le vois pas extrêmement en grosse progression par rapport à l'an dernier, en tout cas. Il est un peu plus proche d'Albon, et encore, c'est très relatif. Donc voilà, juste espérer que Williams sorte de cette séquence, parce qu'en plus, ils avaient des évolutions. Donc en tout cas en termes d'aileron, ça, donc ça commence à effectivement arriver, et bah, des évolutions qui ont fini en pièces de carbone cassées. Donc en plus il n'y avait qu'un seul pack d'évolution, donc je ne sais pas ce qu'ils ont en Chine, est-ce qu'ils arriveront à avoir les deux les deux voitures en mode évolué ou pas. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué, d'autant plus que bah, le problème c'est de Williams, c'est que ils ne comptent déjà eux-mêmes que sur une seule voiture pour marquer des points. C'est ça. C'est un peu l'aveu de faiblesse de l'Australie quand il a fallu attribuer le châssis de Sargeant à Albon. Et quand vous avez effectivement bah, les cinq équipes devant qui terminent, ou vous avez un qui est un peu hors position et que c'est une autre équipe comme RB ou Haas qui en profite. Même Albon, tout Albon qu'il est, il faut qu'il cravache quand même pour entrer dans le top 10 parce que la Williams elle est pas au niveau encore, donc compliqué voilà pour Williams. Ouais, c'est ça, c'est bien compliqué. Et bon, après, c'est vrai qu'on a vu un James Vowles qui s'est beaucoup plus remonté que contre Sargeant qu'il a été jusque là. On sent que la patience commence à arriver à bout quand même chez Vowles, et je pense que c'est. Ça va être compliqué pour Sargeant de justifier sa place s'il n'y a pas vraiment des gros progrès et si déjà il n'arrête pas de casser des voitures, quoi, parce que là, maintenant, ça impacte le développement. Hein, ça a clairement été dit par Vowles de manière très claire. Et Williams compte énormément sur son développement, comme toutes les équipes de deuxième moitié de peloton. Et s'il y a un impact là-dessus, parce qu'il faut reconstruire des pièces pas évoluées, c'est un vrai problème, quoi. En tout cas, entre Stake, Williams et Alpine, même si ça ne marque pas forcément de points, il faut quand même que les deux pilotes soient en rendez-vous dans les places, parce que si on se départage que sur un ou deux points, ou quand même que les équipes soient à égalité à la fin de l'année, même à égalité avec zéro point, imaginons. Hein. Je sais pas, imaginez-vous avec Alpine avec zéro point, Williams avec zéro point, Stake avec zéro point. C'est pas impossible, hein, vu l'état actuel des forces en présence. Ça sera la qualité des places obtenues. Donc, avoir deux pilotes qui arrivent à faire les meilleures places possibles hors du top 10, c'est essentiel, puisque c'est là-dessus qu'on va classer les 8e, 9e et 10e. Alors, j'ose espérer quand même que chacune de ces équipes réussisse à marquer un point ou deux. Voilà, mais vous n'êtes pas à l'abri que vous ayez 2-3 équipes à égalité avec 3 points, ou 2 points, ou 4 points, ou 5 points, grand maximum. Donc, les places à l'arrivée sont quand même extrêmement importantes. Donc, il faut que Sargeant soit à l'arrivée et soit dans le coup aussi. Voilà. Et malheureusement, en course, de nouveau, il était devant les Alpines à qui il prenait du temps, et puis il fait une connerie, quoi. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de week-end propre pour Sargeant, il n'y en a jamais, et c'est vrai que... Alors, après, Vowles aurait peut-être dû changer de pilote, même si au moment où il décide de garder Sargeant, il n'y a pas beaucoup de candidats qui amènent... Mick Schumacher, quand même. Voilà, il n'y a pas beaucoup de candidats qui amènent beaucoup de garanties, mais je pense quand même que Mick Schumacher amenait vraiment plus de garanties à l'usage, et il aurait peut-être cassé des voitures aussi, mais il aurait certainement fait mieux que Sargeant en termes de performance. Donc c'est compliqué. Donc suite au prochain épisode du coup. Ouais, prochain épisode du coup c'est le Grand Prix de Chine dans 2 semaines. Horaire encore un peu matinaux, ce sera 5h30 les essais libres 1, 8h, non 9h les essais libres 2. Non, les qualifs pour le sprint, pardon. Le sprint sera à 5h le samedi matin. Les qualifs de la course à 8h le samedi matin aussi. Et levez-vous pour le sprint, hein, parce que c'est à 5h, mais ça va être marrant. Shanghai, c'est marrant en général. Hein. Ouais, et puis là, personne ne connaîtra la fin. Ils n'auront pas le temps de faire des essais de long relais. Ils auront eu les qualifs du sprint l'après-midi et tout, le vendredi après. Donc ça va être vraiment pas la loterie, mais pas loin. Et sans compter, on ne sait pas quelle sera la météo. Et la course dimanche à 9h, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Les horaires, je vous dis là, normalement, sont bons, mais vérifiez quand même sur NextGen Auto. On les met toujours bien en avant sur le site à partir du mercredi de la semaine. Donc. Vous aurez toutes les infos, mais voilà, en tout cas, on reviendra évidemment dans Grand Prix dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Quoi dire de plus, merci tout le monde de nous avoir suivis à nouveau pour ce numéro de Grand Prix deuxième dans cette nouvelle formule. Alors c'est vrai qu'on est un petit comité, mais finalement on a quand même tenu quasiment 2h30. mais il y a beaucoup à dire, hein, quoi qu'il arrive, et puis c'est vrai qu'on voulait faire un petit point aussi sur les transferts, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, et ça reste quand même très important. Pour une fois qu'on n'a pas la FIA qui nous rajoute une heure. Ah, heureusement. On aurait eu la FIA, on aurait été sûrement plus court sur d'autres trucs, mais bon. C'est ça. On fait des choix. Mais voilà, donc merci à toutes et tous dans les chats. Merci à toutes et tous qui nous regardent et qui nous écouteront plus tard, qui nous regarderont en replay. Merci d'être nombreux. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous. Suivez bien l'actualité. Suivez l'actualité parce que ça va continuer à bouger. Et restez sur NextGen Auto puisqu'on la couvre évidemment avec plaisir. Et bonne soirée et bonne nuit tout le monde. Ciao, bonne soirée.